Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh, oh là là. Bonjour, excellent. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un Floodcast comme à l'accoutumée où je suis entouré de quatre personnes formidables. Tout d'abord, cinéma, podcast, scène, littérature. On peut la voir sur Canal en ce moment dans le court-métrage d'Alice Moitié dans l'anthologie 5 fois confiné. 6 fois, tu lis tes fiches, bâtard. J'en ai vu 5. J'ai regardé le tien fois 5. Il sera très bien. T'es un acrobate. Mais non, mais laisse tomber, le cirque du soleil. Oh, j'allais le dire. Oh, ça va être un excellent. Une. Franchement, vous êtes deux super potes, je trouve. Je trouve, ouais. Je vous conjure également d'écouter son podcast On est chez nous, diffusé sur Spotify. Un S comme super, un M comme mérifique, un L comme lance-flamme. C'est Sophie Marie Laroui. Oh, wow. Oh, magnifique. Putain, moi, j'en ai déjà pour mon argent. Auteur, metteur en scène de théâtre, c'est en tant que comédien que vous le connaissez sûrement. Irresponsable sur OCS, Une belle histoire sur France 2. Dernièrement, le remplaçant sur TF1. Au cinéma, vous pouvez le voir en ce moment dans deux films. Le mec est dans deux films à la bouche, bien sûr. Vers la bataille, déjà en salle, et Le Discours qui sort ce mercredi. Ah, le Sébastien le plus stylé. Je reprends. Le Sébastien le plus stylé devant Grosjean, Coé et celui de la petite sirène, c'est Sébastien Chassel. Oh là là. Ouais, oh. Merci beaucoup. C'est dans adorable. Le discours, ça bien me touche. Sûr. Le mec est dans tous les bons plans. Mais non, mais c'est fou. Ah, toi, t'es un peu. C'est une anguille. Comédien et scénariste, il a également fait à bouffer avec Pierre Sang, le mec, carrément. Vous avez vu sa trône chez Golden Moustache, chez Emmy LTR ou sur sa propre chaîne, mais c'est dans la bonne auberge qu'il officie dernièrement sur Twitch, où les plats sont délicieux, les boissons sont fraîches et son maître du jeu gère tout ça d'une main de maître. Allez. C'est Lucien Mail. Oh, que plaisir. J'ai envie de te péter la gueule tellement t'es mignon. Si on remonte à la signification la plus ancienne de son prénom, on trouve Adrien de Nicomédie, qui persécuta les chrétiens avant de se convertir à leur religion. Saint Adrien était le saint patron des soldats, des marchands d'armes et des bouchers. Bref, plus ou moins l'inverse de celui qui est avec nous aujourd'hui, qui est plutôt le saint patron de la bite en amphore, c'est Adrien Méniel. Allez, magnifique. Repos, hein, seulement. Bien sûr. Comme d'habitude, on commence avec le jeu de l'actu. Ah oui. Oh putain. Je vais perdre. C'est libre de droit, ça. Bien sûr. T'as une mononucléose. Pourtant, c'est nul. Je suis jamais en forme. C'est vrai. Mais si, c'est ce qui fait ton flegme. Non, mais t'es flegmatique. Il a trop d'actu au ciné pour être en forme. Flegmaman, d'ailleurs, on t'appelle. Oui, à l'heure où on parle, le discours n'est pas encore tout à fait sorti puisqu'il sort le 9 juin. Techniquement, il sort dans deux jours pour ceux qui écoutent direct. Okay. Et si les gens écoutent un peu après, c'est en salle en ce moment. Bravo. C'est en salle en ce moment. Bravo, bravo. Le jeu de l'actu, quelle méthode de bronzage déjà en vogue en 2019 revient en force en 2021? Tiens donc. Je vais pas le dire, mais je sais, je pense. L'anus. Oh, ouais, très très bonne réponse. Le trou de balle, moi, j'avais. Ah, oui. Attendez, l'anus n'est pas une méthode de bronzage. C'est une mode, quoi. C'est se faire bronzer le trou de balle. C'est bronzer par le trou de balle. Non, c'est-à-dire que tu remplaces le soleil par un trou de balle. Et tu bronzes. Non, c'est impossible. Tu vas à point soleil. C'est vrai que la question est dans une cabine, t'as 5 trous de balles. Non, mais je suis d'accord. La formulation est curieuse. Non, c'est qu'il y a une nouvelle. C'est la mode de se faire bronzer le trou de balle. C'est ça. Oui, donc on se fait pas, c'est pas une méthode de bronzage. Ah oui, la question était mal formulée. Oui, c'est ça qui écoutez, j'ai énormément de projets, d'accord, s'il vous plaît. Et non, elle est mal formulée, mais en fait, c'est le geste. Ça s'appelle le perineum sunning. Bah bien sûr. D'accord, tu connais. Non. Bah, tu connais. Ouais, le principe mis en avant par des influenceurs consiste à se faire bronzer l'anus face au soleil pour faire le plein de vitamine D. En fait, c'est pour avoir des vitamines D. Ah bah tu peux prendre des capsules. Mais sinon, tu peux bronzer présenter normal. Tes avant-bras au soleil. C'est tout à fait efficace. Plutôt que de se mettre une totote dans le cul pour s'écartuler l'anus. Non, là, en fait, ils font juste lever. Lever de victoire, d'ailleurs, avec les jambes. Pour avoir ouais, le. C'est des spreaders. C'est cool. Mais toutefois, attention. Trou de balle spreading. Toutefois, attention, le docteur Diana Gale, interrogée sur cette pratique, met en garde quant au danger que ça entraîne. Il n'y a aucune preuve que les bains de soleil de cette manière aient un effet sur le bien-être physique. Ça elle va. Rappelle surtout les risques accrus de cancer de la peau qu'une exposition sans protection solaire, d'autant plus oui, sur les organes génitaux, peut engendrer. Bah, bien sûr. Mais j'imagine qu'ils se mettent de la crème quand même. Bah, à point soleil, tu mets pas de crème. Hein. Bah, sinon, la vitamine D, comment elle rentre? Et puis, quel indice? Indice 50 ou indice 30 pour le football? Non, mais de la crème solaire, ça n'empêche pas de bronzer. Ça empêche oui, de cramer. Mais, d'accord, mais ouais. Si je puis me permettre, tu vas à point soleil, tu vas pas une heure et quart. Tu vas 15 minutes. Non, mais c'est pas point soleil, hein, et ils font ça dans le désert. Dans le désert. Ils s'écartent le fiac dans le désert. Oui, non, pas d'accord. Forcément. Si, si. Le fiac dans le désert, une chanson de Jean-Jacques Goldman d'ailleurs. Tu vas à Point Soleil, tu dis est-ce que je peux me mettre sur le dos et m'écarter le trou de balle, ils te font bah non. Mais tu dis pas, chacun est libre de sa cabine. Tu dis mettez-moi la machine et puis hop, tu fais ton bazar. Vous pouvez dire arrêtez de le demander surtout. Arrêtez. Non mais moi à chaque fois j'ai vu c'est des gens qui sont dans la nature et qui sont sur le dos et qui... T'as vu où? J'ai vu des photos. Mais ça date, tu dis c'était en 2019 déjà. Ça revient lourd. Comme ouais. Les nouvelles. Moi je mets de l'automne. Je crois qu'on est maintenant pas prêt. Je suis tranquille. Sur le pourtour. C'est ça. Puis, voilà. Petite crème. Non, trop pas. Dominic Cummings, ancien conseiller du Premier ministre britannique, Boris Johnson, a partagé quelques secrets sur les idées qu'avait eu son patron pendant la gestion du Covid, en tout cas au tout début de la pandémie. Pouvez-vous m'en citer quelques-unes? On n'a pas du tout écouté parce que j'ai une migraine à cause de ça. Là. Oh là, à cause du petit ton sang. Non, c'est trop. Bah écoutez. C'est sponsor ou pas? Je suis sensible aux odeurs, non? Tu peux le mettre. Alors là, ça. Bah, justement, je suis sensible aux odeurs. T'es sensible aux odeurs et chaque pièce sent l'encens. Bah oui, parce que j'aime bien, je trouve que ça met du. Ouais. Bah j'ai mis de l'eau sur ton encens en lavant les mains volontairement. Tu pourrais mettre musc, l'encens c'est hyper bien. Mais ça c'est vachement bien, vous êtes super dur avec ça. Non, ça pue, on dirait le mec qui fait le mois du blanc au supermarché. Non mais Flaubert, il faut qu'on parle d'un truc. Alors vas-y. Dès que ta meuf n'est pas là, je mets de l'encens. Tu as peur que l'appart pue. Mais oui. Alors que non, ça va, t'es pas non plus un. T'as pris une douche juste avant qu'on vienne. T'es pas un SDF, enfin c'est bon. Non, mais j'adore, je trouve que ça sent bon. Non, je pense que t'as peur de puer. J'ai peur de puer, mais surtout j'aime bien cette odeur, elle est super agréable. Sinon, l'air. Ouais, ça empêche de puer. J'aère aussi. Alors non, déjà, mais il aime l'eau de Cologne. J'ai bossé 4 ans dans un maison du monde. C'est des odeurs qui me plaisent. On a tous une vie, Florent. Bon, faut aller de l'avant. Voilà. Si je peux dire un truc, c'est qu'il faut savoir se renouveler. Donc Dominic Cummings, ancien conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson. Mais Johnson, bien sûr. On est sur de la politique aujourd'hui, d'accord. A partagé quelques secrets sur les idées qu'avait eu son patron, donc Boris Johnson, sur la gestion du Covid, en tout cas au tout début de la pandémie. Pouvez-vous m'en citer quelques-unes? Boire de l'alcool. Non. Il a eu des idées nulles comme Trump. Des idées farfelues, disons. Allez. Est-ce que ça implique de s'injecter quelque chose? Non. Est-ce que ça implique de se... Comment on appelle ça, faire abstinence? Non, pas abstinence. Je reviens exactement sur ce que tu viens de dire. Ça implique de s'injecter quelque chose sur une des idées, pardon. Ah. Mais pourquoi t'as dit non? Parce qu'en fait, il y a parce plusieurs réponses. Parce qu'il était vexé que j'ai parlé de l'encens. Marie-Ange Nardi, là... Écoutez... C'est une émission gratuite. Il y a de la pub. Donc, sinon, mais pas tant ça. On a reçu un mail qui disait arrêtez de dire qu'il y a des gros mots parce que du coup on touche moins d'argent. Tu l'as vu passer ce mail? Bah oui, tu as tagué en explicite. Bah, je voulais protéger les enfants. Sébastien réfléchit vraiment à la question car, comme sa sœur Alison, je vois que vous avez la même manière d'être au monde. C'est des gens de peu de mots. Et quand on vous pose une question, vous y réfléchissez. Et ça me fait plaisir. Et on est incapable de faire autre chose. Est-ce qu'il a suggéré d'arrêter de respirer, par exemple? Non. En sortant de chez soi? Non. Non. S'injecter de. Du fuel? De la Guinness? Non, de l'alcool. Non. Du vinaigre blanc. Franchement, ça marche pour du tout. Du bicarbonate. Du bicarbo. S'injecter quelque chose dans les poumons? Non. Dans la veine? Dans les veines. Dans le bras, quoi. Mais attention, ce n'est pas. En fait, c'est pour ça que j'ai dit non sur s'injecter quelque chose. Ça n'apportait pas la solution à vaincre le Covid. Il voulait s'injecter quelque chose pour prouver chose. Ah! Il voulait s'injecter de la lumière noire pour voir qu'il n'avait pas de musp dans les veines. Bonne réponse. Non, c'est pas ça. Il voulait s'injecter un truc pour dire, eh ben vous voyez, j'ai pas pour autant chopé le Covid. Exactement. C'est pas vrai. Et après il l'a eu. S'injecter le Covid. Littéralement le Covid. Non. C'est-à-dire qu'il voulait faire une émission en direct où il disait, écoutez, voilà, on m'injecte le Covid, s'injecter le Covid en direct, quelques jours plus tard, dire, bah regardez, je n'ai aucun problème. Mais s'injecter le Covid, ça veut dire. Il l'a eu. Oui. Le fait est qu'il l'a eu derrière. Et qu'il a été à l'hosto. Il a failli gagner. Pardon, mais s'injecter le Covid, c'est le principe d'un vaccin. Ouais, mais... Oui, mais il était peut-être un petit peu visionnaire, Bobo. Oui. DJ enfin, Bobo. Je pense pas qu'il ait inventé le concept du vaccin, qui existait déjà avant, je crois. C'est d'ailleurs DJ Bobo depuis le début. Les gens le savent pas, mais c'était. Il est suisse, Boris Johnson. C'est Chihuahua, immédiatement. Donc c'est une des raisons. Il y a d'autres. L'autre est plus connu en fait. L'autre, j'en avais entendu. Il avait une autre idée. Il s'est enfermé dans un frigo, mais ça n'avait rien à voir. Non, ça c'est Nia Jones dans le cas. Un scaphandre. Non. Est-ce que ça implique de faire une danse rigolote? Non. Ah dommage. On aurait pu en tirer un. Des prières peut-être. Non. Au bon Dieu par contre. Un truc plus connu. Mais c'est vrai qu'il avait dit un truc. Il avait un truc que moi j'avais même entendu. Alors je regarde même pas les infos. Moi. Pourtant j'en avais entendu parler. T'es meilleur que nous. La thérapie par le rire. Le yoga du visage. Non. Oh putain. Ça existe? Je sais. Est-ce que il fallait ingérer quelque chose? creuse. Non. Mais arrête de vouloir le faire bouffer des trucs, le pauvre. Bah, en même temps, y a, est-ce que c'est doigté une personne consentante? Non, pas, non, pas là. Est-ce, pas là. Que, est-ce que c'était vraiment hurluberlu ou est-ce que c'était juste à côté de la plaque? C'est à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est une Quelle idée. Quelle est la qui différence est que... entre les deux? Bah, hurluberlu, c'est genre bah, c'est... La rigothérapie. Ça, c'est hurluberlu. À côté de la plaque, c'est professeur Raoult qui nous a fait chier pendant un an. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu un côté scientifique, mais c'est tout de même pas ça? Ouais, voilà. Okay. Et bah, c'est exactement ça. Donc c'est un ça. Truc voilà, moi c'est des théories que j'avais dont j'avais non, entendu mais... parler. J'élimine les pannes, je suis fille d'électricien, je sais qu'on la vitamine sait. C. Non, pas la vitamine C. La vitamine D. Pas la, se faire bronzer trop de balles, non. Tout est lié putain. Pas une vitamine avec une lettre derrière. C'était une vitamine quand même. Vitamine non, pas 1. Du tout une vitamine non plus. L'héroïne. Non, non. Le gluten. Mais en vrai, tout ce qui est vitamine, okay. C'est pas une vitamine. Non, ouais. C'est pas une vitamine. Et c'est pas de la drogue. Acide aminé. Ah, la cigarette, la cigarette peut-être. Non, pas la cigarette. Ah, boire de l'eau chaude. Ah, bah non, c'est pas ingérer quelque chose. Acide bonanga. Non. Bah, je vous la donne. Non. Comment tu me parles? Moi, ça sature un peu, non? C'est normal? C'est toi. Non, c'est parce qu'on parle tous en même temps. C'est tout. T'inquiète, ouais. Les auditeurs ont l'habitude. Vraiment, il y a pas ça de. Ça va être ignoble pour nous. Il y a pas de. C'est pas sinoculaire. Est-ce que c'est un donc c'est un une pratique en fait, comme c'est... un geste barrière un peu. C'est ça, mais c'était une théorie que plein de gens voulaient utiliser à l'époque avec la varicelle. Voilà, petit indice. Ah, qu'on se mélange tous les uns les autres, qu'on exactement. Fasse des petites partouzes. Qu'on fasse des petits clusters, chacun de notre côté, que tout le monde le chope et une bonne fois pour toutes. Quand mais on... Ah bah oui, c'était l'immunité collective. Oui. Mais, exactement, l'immunité bah, collective. Ce qui est un vrai truc, mais. Bah, il voulait faire ça. Et il l'avait même dit à l'époque, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est comme non. Méthode. Cut, ah ouais. Cut non. Mais je crois que c'est bon. Un an et demi après, c'est toujours la même merde. Mon pote. Un homme a été arrêté sur l'autoroute et a dû payer 22€ pour une infraction plutôt rare mais bien réelle et qui était d'ailleurs pour moi une légende urbaine, je pense. J'en avais alors, entendu parler. Est-ce que c'est... Ah, ok. Et à votre avis, quelle était cette infraction? Est-ce que c'était un truc sexuel? Non, pas du tout. Est-ce que ça impliquait une trottinette? Non. Il roulait pas assez vite? Oh, très bonne réponse de Sébastien Chassagne. Il a dû payer une amende pour excès de lenteur. En effet, le contrevenant roulait à la vitesse de 48 km/h à bord d'une voiture sans permis sur l'A75. Mais alors, excès de lenteur, très bon titre de stand-up nul pour Jimo. Ah oui. Super. Il veut un très mauvais titre, excès de lenteur. Oui. Ah oui, non, pas Jimo. Jimo est très drôle. Mais s'il veut un nom ringard, excès de lenteur. Ou il serait genre comme ça avec les mains sur comme les hanches. Comme ça avec un flic qui est en train de le verbaliser. Non. Alors il faut savoir que la loi française précise qu'aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. Sachez que sur la voie de gauche sur l'autoroute, il est interdit de rouler en dessous de 80 km/h. Ah bah oui. Voilà. Mais moi je le savais pas, je l'ai appris. Mais même sur la voie de droite, non, c'est pas. Non, là tu peux être un peu plus lent. Un peu relax, tu vas. Pour les scouts. Tranquille, tu peux lever le pied. De toute façon, normalement, tu n'as pas à rouler sur la voie de gauche. Sur l'autoroute. C'est fait que pour doubler ? Bah ouais. En théorie, ouais. Normalement, t'es à gauche. T'es tout à gauche. Et si. Non, et tout à droite. Non, tout à droite. Tout à droite. Comme notre gouvernement. Oh, bim ! Gouvernement, bah ouais. T'es à droite, le gouvernement, bah ouais. Crayon. Elle est ringarde cette vanne ou pas? Je m'en rends pas compte. Je me rends pas compte. Vous avez déjà eu, vous, des emmerdes en voiture ou avec la police, des trucs. Qu'est-ce qu'il a ? Bah si, c'est vrai. C'est vrai. La réponse n'a aucun rapport. Mais c'est quoi là? C'est quoi? C'est mon jugement? Ça va les avocats? Et doucement. Alors la réponse est oui. T'es Juan Branco ou... Pour moi c'est plutôt Juan Branquignol. Ah bah toi là, tu Juan dans les brancards d'ailleurs. Dans les brancards. Super ça. Waouh. Et bah, ah, ça va vite. Et bah ouais bah les gens ils adorent. Est-ce que non, mais ils sont mieux. Vous seriez pas rapide et furieux par hasard? Non si. T'as eu une avant une mésaventure. Je suis quoi. Furieux. Moi. Toujours des. C'est vrai que toi t'es. Je faut le dire aux auditeurs. Sophie Marie est véhiculée au sein de Paris. Comme quoi, pas si dur. J'adore rider. J'adorais déjà rider quand je suis arrivée à Paris avec ma 106 à l'époque et j'allais la récupérer à peu près tous les mois à la Fourrière à Bercy. Donc j'ai abandonné. Les PV, non ? Voilà, et PV. PV Nova. Nova. Ouais. Tu vois, on y prend goût. Et sinon, récemment, il y a, comme je te disais, mon histoire de PV, là, où j'ai payé vraiment, j'ai comptabilisé tous les PV que j'ai payé depuis que j'ai mon véhicule là, et j'ai eu 1 500 euros de PV. Putain. Tout ça que t'aurais pu donner à une asso. Ouais. Ouais, mais quel assaut après, ça dépend. Les orphelins de la fourrière de Bercy. Non, mais on rit, mais je l'ai eu mauvaise. Hein. Franchement, on rit, ah bah. On peut en rire maintenant. Voilà. À l'époque, un on gros riait pas. Loyer d'hommes riches. Vraiment. Et sinon, la plus marrante, c'est peut-être que j'ai eu un petit accident une fois avec une R19 toute neuve. Blanche, magnifique, et parce que j'étais en train de lire un texto, je suis rentrée dans un cul de voiture. Ah oui. La meuf est sortie, elle était enceinte. Hein, super. Ouais, ah oui, c'est pas censé conduire. Hein, elle le perd devant nous, super. Il casse l'ambiance. Vraiment, j'étais à 10 à l'heure, hein, donc ni plus ni moins. 10 à l'heure, c'est très long. Et j'étais pas sur l'autoroute. C'est le deuxième spectacle de Jimmy. Et bref, bon, je reprends ma voiture qui était un petit peu abîmée à l'avant. Tu vois, il y avait la jupe avant qui était. C'était voilée. C'était froissé. Et je prends l'autoroute, et en fait, ce que c'était sans savoir qu'en fait le capot était décroché, et donc sur l'autoroute le capot a fait brum sur mon pare-choc, et donc j'ai conduit en regardant dans l'interstice du bas du pare-choc jusqu'à une sortie. Je me suis arrêtée chez un Midas, j'ai acheté une barre de traction, j'ai appelé mon père. En fait, il aurait fallu freiner d'un coup sur l'autoroute pour que ça claque, ça referme le. J'ai pensé. Ah, ça fait pareil dans GTA. Mais elle avait pas assez de patates avec sa 106. C'était la 19. Puis la 19, ça roule. C'était la chamade. Première voiture que j'ai eue, moi. Que j'ai conduite, la Renault 19 de mes parents. Mais c'était une diesel, il n'y a pas beaucoup de reprises. Alors que moi, c'était une soupe. Tu mets ton essence. Les amoureux d'engins se régalent aujourd'hui. Bienvenue dans le turbo. Mon rêve. Mon rêve. Ça existe encore, Dominique Chapat? Mais non, il y a Dominique Chapat, ça existe encore. Il a dédicacé un livre il n'y a pas si longtemps que ça à Bagnolet. Ah bon? Ouais. Putain, mais t'es dans tous les bons coups littérature. Vraiment. Et sinon, le Chapat, c'est tous les vendredis. Oh oui. Mais si, moi j'adore. Ouais. Top Gear, tu comme, pourrais faire comme Alain. Tu pourrais faire Top Gear, Top Gear. Top Gear, ouais. Comme Top Gear. Alain Chabat. Ah, il fait un jeu de mots. Non mais tu vois le bonheur que j'ai trouvé. Ouais, t'aimes ça comme tous les gars qui font genre. T'aimes ça. Et qu'en font en plus voir dans la vie, en vrai. Alors. Moi aussi j'avais une anecdote voiture. Supplie, mais je t'en conjure. Je me suis fait rentrer. J'étais passager. Je le précise parce qu'on a fait. Enfin, le conducteur, mon pote, a fait n'importe quoi. Il roulait trop vite parce qu'on était en retard. Il a grillé. Très bonne excuse, hein, devant les flics. Ouais, non, mais on était en retard, donc on roulait vite. Et il a grillé une priorité à droite. On s'est mangé une bagnole. Et ce qu'on s'est mangé, c'était une Rolls-Royce. Oh! Voilà, donc moi, dans mon flanc, j'ai pris une Rolls-Royce. Et donc on est descendu, on a fait le constat et tout. Donc on était beaucoup plus en retard à cause de ça. Bah, bien sûr. Et vraiment. Je m'en suis voulu après parce que je me suis dit, c'est sûr, ils ont été remboursés par l'assurance, j'aurais dû le garder. J'ai trouvé au sol le symbole, le petit truc ange Rolls-Royce. Enfin, c'est pas un ange, je sais plus. Non, c'est un. Bon, on s'en fout, mais le truc Rolls-Royce, je l'ai trouvé au sol, le truc qui est à l'avant du capot de la bagnole, et j'aurais dû le garder. Ça m'aurait fait un vanity, un collier. Ouais, dans ta veste en cuir de punk. Mais ouais, street cred de ouf. Bah, bien sûr. Et j'ai vraiment, comme un enfant de 12 ans, bien sage, j'ai dit. Tenez, monsieur, votre sigle. Voilà, ridicule. Qui était enfoncé dans ton flanc, d'ailleurs. Mais j'ai encore la marque. Hein. Ça t'a perforé un poumon. Quand même. J'ai l'impression que c'est un coq, le symbole. Non. Tu confonds avec le coq. Non, c'est un petit ange. Avec le dessin animé français Rocorico, avec la voix d'Eddie Mitchell. Mais Rolls-Royce symbole au lieu juste. Tu confonds avec une véritable poule. L'animal. Tu confonds avec l'animal. Pas la peine de me hurler dessus, Lucien. Pardon, je suis trop agressif. Rolls-Royce logo. Bah c'est c'est le 2R l'un dans l'autre. Non, il y avait l'angelot là. Ouais, c'est un angelot. Mais non, c'est un petit ange comme ça avec le truc les qui ailes, sort du radiateur. Tu confonds avec Cock Robin le chanteur. Waouh. Pardon, il y a eu un petit truc. Ouais, il y a eu une complicité qu'on a ratée là. Excusez-moi, pardon. Et toi, Seb, t'as le permis? Ouais, depuis 2003. Oh, pas mal. Mazette. Qu'est-ce qui t'a motivé à la voix? J'habite en banlieue lointaine. Bien sûr. Ouais, pareil. C'est logique. Et donc c'est nécessaire pour se déplacer d'un point A à B, par exemple, ou aller à Paris. C'est vrai. C'est vrai. C'était quelle banlieue? À l'époque, j'étais dans le 78 à ce moment-là. On est trois. Alors non, j'étais pas Chaville, j'étais du côté de Villepreux. Villepreux, bien sûr. Mais oui, parce qu'on est né. On est né dans la même ville. On est né à Saint-Germain-en-Laye. Moi, j'étais à Plaisir. Mais tu connais bien le IKEA, bien sûr. Du coup. Bien sûr, la rocade et tout, là, non? Il n'y a pas de rocade. Bien, bien. T'as essayé. Rocade et frichti, c'était deux mots. Place à chaque fois. Est-ce que t'es à l'aise au péage? Oui, très, très, très à l'aise. Super. J'adore les péages. J'arrive toujours à très, très. Mais je conduis très bien. Moi, je déteste, moi. Moi aussi, je conduis bien. Je conduis vraiment très, très bien. J'ai jamais perdu un seul point de permis. Moi non plus. Oh, magnifique. Putain, mais il y a la même personne. Alors que j'ai conduit pendant longtemps, tous les jours. Cela dit, moi, j'ai fait 3 tenants en voiture et j'ai perdu 0 point. J'étais très surpris. Bravo. Non, mais quand t'as un accident vénère, tu ne perds pas de points. Bah, oui. Si t'es pas responsable. Ça dépend peut-être que. Mais bon, bah. Juste à louper un virage, bon, bah. Bah oui, mais quand même, j'ai été surpris. Je pensais vraiment que j'allais me prendre un petit truc de. Même une amende, je sais pas, quelque chose. En fait, non, t'as déjà des séquelles physiques, on va te rajouter 2000 balles. C'est le même. Eh bah, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, Lucien. Ok, ok. Sous Rocard, c'est ce qui se serait passé. Rocade. Oh oui. Mm-hmm. Une femme s'est réveillée d'une opération des amygdales et quelque chose avait changé chez elle, à votre avis, quoi ? Elle n'avait plus d'amygdales. Très bien. Oh, wow. Alors, elle n'avait plus d'aluettes ? Non. Parce que moi, j'ai été opéré des amygdales et on m'a viré l'aluette aussi. Alors, c'est l'aluette. Ouais. L'aluette. Oui. De quoi j'ai, bah, t'as dit elle n'avait plus d'aluette et c'est elle n'avait plus de luette. Elle n'avait plus de luette. Parce que tu confonds avec la louette, l'oiseau. Ouais. Tu es plutôt gentil d'ailleurs, je crois. Sympa, luette, gentil. La luette qui est dans la gorge. Ouais. Alors qu'est-ce mais qu'elle. Attends, il y avait un truc qui avait changé. Elle avait changé genre de voix dans... Un accent. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Mais tes conneries, arrête. Alors, attends, elle a changé d'accent. Vraiment, dans toutes les une histoire sur deux où c'est quelqu'un qui se réveille et quelque chose a changé, c'est qu'il a un accent. Alors justement, c'est assez marrant. Écoute bien cette histoire. Genre, il a eu un accident, il s'est réveillé, il avait l'accent breton. C'est faux. Michel Leb d'ailleurs s'est réveillé. Amygdale à la base, Michel Leb. Bien sûr. Tous les quarts d'heure dans son spectacle, il y a une intervention. C'est l'excuse qu'il a donné, je sais pas si. Une amygdale à chaque spectacle. Alors, elle a chopé un accent irlandais. C'est une Australienne, donc comme le disais, je l'ai pas dit du tout. Pour moi, déjà, c'est le même accent. Mais... Elle décrit comment elle s'est réveillée avec un accent irlandais et au cours des 2 semaines suivantes, elle a recherché et documenté le phénomène qui montrait que son accent irlandais devenait plus fort alors que son accent australien avait disparu. Selon le Courrier quotidien, McKeehan, c'est le nom de la jeune femme. C'est n'importe quoi. Mais tu vas voir. McKeehan a été informée par des médecins qu'elle avait développé le syndrome de l'accent étranger, une condition causée par une lésion cérébrale avec seulement 100 cas signalés depuis sa découverte en 1907. McKeehan affirme que son spécialiste lui a dit de rester ferme et de laisser le corps guérir, mais elle est complètement paniquée. Toutefois, les internautes qui ont réagi à son témoignage s'accordent à dire que c'est un immense mytho, car c'est arrivé, ce genre d'histoire arrive régulièrement sur la toile. Ah, tu vois, il a raison. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est des fois des gens qui ont des lésions cérébrales ou des trucs comme ça, ça crée un défaut de prononciation, etc. Et après, c'est l'interprétation des gens qui disent ah, c'est un accent machin, mais en fait, c'est pas du tout un accent, c'est juste un handicap. Oui, voilà, ça change la façon de prononcer certaines syllabes, etc. Et les gens, l'interprétation des gens, bien sûr. On est, vous êtes des animaux, nous avons besoin de trouver du sens. C'est le nouveau personnage d'Adrien, c'est le professeur. C'est un personnage qu'on aime bien avec ce scénario. Fille le roi avec de nombreuses maîtresses. La femme dans toute sa splendeur que nous aimons célébrer. J'adore ce personnage. Le gars, il mange ses dents, quoi. Je ne suis qu'un simple amateur de la femme, je ne suis pas là pour... La femme, oh non, j'ai marché dans sa flaque de bave en chaussettes, oh non, j'ai dégoûté. Mais voilà, en fait c'est de l'interprétation, les gens disent « Ah, c'est un accent machin, mais toi, non. Tu devrais travailler à Mediapart, hein. Non, ou figure-toi que je suis... Ça arrive lourd. Edoui Plenel me suit sur... Non, c'est faux. Mais c'est de l'interprétation ou des gens qui mentent pour faire leurs intéressants. Ah, c'est oui. C'est très possible aussi. Comme les... Non, j'allais dire un truc, Attention, j'ai lu. J'allais dire un truc, mais... Mais tu le dis pas. Ça me lance sur une question. Est-ce que je vous le dirai après. Bah oui, bien sûr. Ça me lance sur une question. Est-ce que vous avez déjà menti pour faire vos intéressants? Je parle de la tendre enfance. J'ai l'impression qu'on a tous développé. T'as montré Sophie Marie. Non, je parle de Sophie Marie, bien sûr, parce que la mytho. Elle le fait chaque jour. Non, mais je parle en général. Moi, je sais que quand j'étais enfant, je mitonnais énormément pour faire mon intéressant. Je voulais savoir si c'est des choses que vous aviez fait vous aussi. Moi, en fait, j'ai pas passé mon permis à côté de Villepreux. Je l'ai passé. Je l'ai passé au Chenet. Putain, t'es tellement pas intéressant. Mais je voulais pas le dire. Mais tu vois, ça fait du bien de l'avouer. Je l'ai passé au Chenet. En plus, j'ai même pas passé vraiment au Chenet. J'étais à Vélizy, Villacoublay. Mais bon. Oh, putain. Gilles Acoublet, putain, c'est vraiment toute mon adolescence. Je suis désolé. T'as tous tes points, je voulais faire l'intéressant pas en vous. Crédibilité ici. Hein. Désolé. Lucien, Moi je le faisais un peu quand j'étais ado, mais pour des trucs nuls. Mais c'est, pas ça, de... c'est ça qui est ouais, vraiment c'était juste on m'avait volé un truc et je disais qu'on m'en avait volé 5, tu vois, c'était vraiment genre, on m'a volé 5 bonbons. En plus un truc de victime quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment. Tu mens sur des trucs où tu fais encore plus tiep quoi. Ouais, auprès de mes parents, tu vois, je voulais me faire mon état. Ouais. Non non, mais genre ça c'était vraiment que des trucs naze. Mais souvent c'était ça, tu multiplies la oui, un mini truc qui t'est arrivé en disant non vraiment c'était ouf. Ouais, ou tu rentres de vacances et tu dis ouais ouais non mais j'ai grave couché avec des meufs et tout. La fille. Alors et tout. Vraiment pas du tout. Ah, ça, c'est une vraie. C'est pas comme la Dame Blanche, c'est un vrai truc. Bah, comme par hasard, c'était à chaque fois à la rentrée que les gars arrivaient en disant eh, ça y est, je suis plus puceau. Mais je sais pas, nous, on parlait pas de ça. Donc, ça, à chaque fois que j'entends en cette vrai. Histoire, que comme quoi, soi-disant, à la rentrée, nanana, je me dis ah bon, très bien. Donc, je voudrais avoir votre non, expérience. Non, bon, moi, enfin, les gens se doutaient hein, que non. Donc, ils savaient rien de mentir. Hein, tu vois, il y avait une apparence. Je disais, je suis plus puceau. Si, si. Si. Mais oui, c'est vrai, bien sûr que oui, évidemment. Je partais même pas en vacances. moi j'étais le dernier des Mohicans de mon groupe de potes. Non mais c'est vrai. Ils avaient tous couché avant toi ? Ouais ouais. Ils t'avaient fait sentir les doigts ou pas ? Non. What ? Non, ok. Quoi, non, mais je... Quoi ? De tu sais, avec de, la chatte, de... tu sais, l'odeur. Ah de ouais. De Cyprinov. Ouais. Ouh la vache. Cyprilov ? Cyprinov, ouais. Cyprien. Qu'on embrasse puisqu'il est bête. Bisous. Il écoute le podcast. Adrien, t'as déjà fait des mythos d'enfant pour dire, je cherche pas trop, non, je crois pas. T'étais sincère. Tu sais, comme maintenant, quoi. Non, mais, non, mais il vrai... a fait sa tête de. La femme que. Voilà, je ne suis qu'un simple esthète. J'apprécie leur mot. Non, bon. Il hurle à la fin. Ouais, c'est un peu comme Notre-Dame. Très déçu d'ailleurs de ne pas avoir été casté dans. T'es pas dans le film Notre-Dame de Jean-Jacques Hano. Il y a un film sur l'incendie de Notre-Dame et voilà. Il y en a plusieurs choses sur Notre-Dame qui vont arriver, mais je peux pas en parler. Il joue la tour. Tu joues la tour de Notre-Dame. Moi j'étais persuadé que je venais de Chine. Ah c'est oui, vraiment un mensonge. T'as vraiment coup, enchaîné très très. Mais j'adore. Okay, c'est vrai qu'on dirait que t'as mal monté le podcast. Oh, venant, fais ça, venant, le rend fou. Tu dis, mais donc, qu'est-ce qui s'est inoculé? Je disais à ma mère, non, t'es pas ma mère, je viens de Chine. Voilà, mais c'est pas vraiment un mensonge, j'en étais vraiment persuadé. Mais pourquoi tu croyais ça? Parce que j'étais proche de la culture. Je pense que j'aimais pas trop ma vie, donc je voulais absolument trouver une raison d'être malheureux, et c'était celle-là, c'est que j'étais pas chez mes vrais parents. Mais d'accord. De Chine? De Chine. J'avais aucune connaissance de l'Asie, même en général, mais oui, de Chine, parce que je sais pas, c'est ce que. Ça sonnait bien. Ça sonnait bien, j'étais persuadé que c'était. J'étais petit, hein, je pensais qu'on marchait à l'envers. Enfin, vous voyez, c'était. Quand dans les dessins animés, ils passaient par le centre de la Terre, ils se retrouvaient à l'envers. Ah oui, ce genre de gag. Dans les dessins animés, ouais. Et c'était cette époque-là pour moi. Cette époque où je pensais qu'on marchait à l'envers à certains endroits du globe. Mais t'avais jamais vu aucune personne originaire de Chine, en fait, physiquement. Si, mais pas bien en sûr Chine. Que si, mais il marchait à l'endroit vu que c'était près oui, mais, de moi. Et donc physiquement tu a, disais. Tu t'es pas dit, il y a une dissonance cognitive. Alors là, j'enlève mes lunettes. Ah oui, là, t'es à l'air chinois. Oui. Alors tout de suite, t'es plus mais du tout. On m'avait déjà demandé quand j'étais. Alors c'est peut-être lié à ça, mais quand j'étais tout petit, on m'a déjà dit Sébastien, est-ce que t'as des origines asiatiques? Quand j'étais petit, parce qu'on trouvait que j'avais les yeux en amande. Alors peut-être que je vais remettre mes lunettes parce que visiblement, vous n'avez pas l'air de partager. Mais pas du tout. Vraiment, surtout ce qui est assez factuel. Écossais ou irlandais, je veux bien. Ça, c'est la barbe. Mais regarde, mes lunettes, elles sont vraiment en amande. Un peu. Pas du tout. Arrête. La forme. C'est ridicule, la forme enfin. Des yeux un tout petit peu, mais ils sont bleus très clairs. J'imagine que c'est raciste en plus. je sais pas, mais. Mais non, parce que c'est mon visage, j'ai rien fait pour me. Oui, me bah, allez, je l'ai lu. T'enfonces. Non, mais source. Mais j'ai pas de source. De quoi source? Un miroir. Ne me hurle pas dessus déjà. Mais non, mais source de quoi? Je raconte un souvenir, c'est pas un mensonge. Je me suis enfermé. T'es là-dedans. En train de mentir pour faire ta sorte à l'instant. Ah ben, ouais, non. Non, mais, tu n'avais aucune non, je sais pas. Ouais. Mais tu n'avais aucune passion pour cette culture-là? Pas à ce moment-là, non. Ah, c'est fou, putain. C'est non, trop mais... mignon comme oui. mensonge. J'adore. Lucien, tu t'es souvenu d'une anecdote? Oui, bah parce que comme il a évoqué non, tu croyais que tu étais de Chine. Moi, c'était beaucoup plus tard, c'était vers 21-22 ans, dans les soirées où je connaissais absolument personne. À ce moment-là, j'avais les cheveux très très longs. Et très très raide et blond. Et moi aussi, j'ai un peu les yeux en amande, j'ai un peu une tête. Et mais j'avoue, croire on vous a jamais vu les deux dans la même pièce à part aujourd'hui et que c'est un podcast. Hein. Et j'essayais de faire croire aux gens en soirée que je connaissais pas que mes origines c'était ma mère était Cherokee. C'est pas possible. Donc native américaine. On est sur appropriation culturelle. Non mais voilà, j'avais 20 ans. Justement, on était le mot n'existait même pas. On n'était pas conscient de ces trucs-là. À l'époque, on disait même pas natif américain, tu vois. Et ma mère était Cherokee et mon père suédois. Je faisais croire. C'est genre, j'ai les cheveux longs. Et ton père, c'était Adrian Paul de Highlander, la série. Voilà. Mais sérieux, quoi. Non, mais on me croyait. On devait te poser des questions embarrassantes quand même. Alors, c'est quoi ta langue maternelle? Qu'est-ce que tu peux nous dire comme mot? Mais justement, en fait, c'était du mytho. C'était genre, on arrivait à 2-3 potes dans cette soirée. Et je faisais exprès de dire un truc complètement fou. Pour voir si, justement, on me posait des questions. Et du coup, j'ai parfois improvisé du Cherokee mytho. Et puis, il y a des trucs que tu vas le faire tout de suite. Allez, c'est parti. Je me souviens même plus ce que je... Tu sais, j'imitais, genre, Danse avec les loups. Et Tatanka, Rakoto, quoi. Tu dis n'importe quoi. Et ça passe. Le Cherokee. C'est grave du Cherokee. J'ai craché fort. Voilà, j'ai fait croire que j'étais ni Cherokee, mais suédois. Non, moi j'ai rien. La prochaine fois que je viens au Floodcast, j'aimerais que ce soit ma présentation. Ni Cherokee, mais suédois. Sophie Marie, toi, plaisir. Tu disais pas des petits mensonges. Comment non, après, ça vient de me. Du coup, par. Non, mais là, c'est si encore une. J'ai dit que j'étais créole. Non, mais j'ai pu dire que j'étais peut-être à moitié kabyle quand j'avais 13 ans. Il y a que moi. Je suis le seul qui a pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pu dire. Y'a que moi qui suis fier d'être français ou quoi? Tu traites plein de personnes ce soir. Y'a un petit spectacle qui se prépare. Adrien Meignet, elle est pas seule dans sa tête. Ils sont combien? Oh là là. C'est un petit extraterrestre. Donc à moitié kabyle. Du non, coup. j'ai pu dire ça, tu vois. Une soirée ou deux, pas plus. Non, bon. voilà. Non, mais oui, j'avoue, j'ai pu. Voilà. Bon. Au catéchisme aussi, j'avais dit que j'allais tous les dimanches à la messe, alors que j'y étais jamais allé. Et la catéchèse, elle a rien dit. Et après, quand ma mère est venue me chercher au catéchisme, elle m'a dit, alors oui, on a posé des questions, savoir qui était déjà allé à la messe. Donc moi, j'y vais tous les dimanches, donc je sais qui a menti. Non. Ouais. C'est une vraie histoire. C'est un péché. J'étais tout petit, et là, j'étais à Forges-les-Bains, pour le coup, en Essonne. Quel globe-trotteur. Il a fait toute la région parisienne. Mais et figure-toi que j'ai une chronique chez Tsugi, Place des Fêtes, ça s'appelle, puisque c'est pas loin de là-bas. Et c'est L'amour du Stif que ça s'appelle, et ça parle beaucoup de ça. Justement. Et voilà. Il cale sa promo. J'ai rien compris. Le Stif, c'est le réseau de transport région parisienne. Mais j'ai eu un problème d'articulation. Non, mais je n'ai pas compris les mots, quoi. T'as une chronique chez Tsugi, la radio Tsugi, la radio web du magazine Tsugi. D'accord, ok. Radio Tsugi, comme radio Tsugi. Tsugi. Et c'est quoi Tsugi? Tsugi. C'est le Adrien. C'est la radio. C'est pas Tsugi. De quoi vous parlez? Il y a une émission au sein de cette radio qui s'appelle Place des Fêtes et dans laquelle j'interviens une fois par mois. Voilà. D'accord, et l'intitulé de cette chronique, c'est L'amour du Stif. Je peux le redire. Tsugi, c'est un magazine de musique à la base. D'accord, mais et c'est aussi une radio, je crois. Non, mais c'est aussi une radio dans laquelle j'interviens une fois par mois. Je ne sais pas, moi. Le jeudi en général. Sa chronique s'appelle L'amour du Stif. Tu me sors ça aussi, j'étais. Et je parle beaucoup d'Île-de-France dedans. Ton amour pour l'Île-de-France. Est-ce que le générique c'est l'amour du Stif? Sébastien Chassagne. Il est pas le dernier pour la castagne. Oh, Sébastien voyages. Castagne, c'est ton nouveau nom. On me l'avait. Ouais. Ouais, je me doute qu'on te l'a déjà fait. Non, jamais. Non. Moi aussi, je m'en souviens aussi. Mais bah, c'est que des trucs récents, donc c'est un peu honteux. Mais quand j'ai commencé à faire bloquer. J'ai fait croire à des amis d'enfance que j'étais très très pote avec Orelsan, alors qu'au début en vrai, on était vraiment jusqu'au hauteur. Franchement, c'est courageux de parce que toi, tes mythos, c'est vraiment il y a quelques années quoi. Non mais c'est vrai parce que là c'est genre oh mais moi quand j'étais petit, là c'est vraiment. Mais moi j'avoue, mais c'était un adulte. Problème, mais non mais c'est très courageux. C'est un mensonge qui au final ne l'a pas été parce que au final je pense qu'on est plus proche. Une prophétie autoréalisatrice. Exactement. Mais souvent dans ce métier, il n'est jamais venu à ton anniversaire quand même à chaque fois que tu l'as invité. Je n'ose pas l'inviter. Tout simplement. Non, je te jure, c'est vrai. Il t'invite aussi? Oui. C'est vrai? Ouais, oh bah alors. Bah ouais, mon pote. Ouais, en fait, je suis dans le t'as rap. T'as des plus un? Je suis dans le rap. Je suis dans le rap, plus ou moins. Je suis dans le rap, tout simplement. C'est vrai. Mais on fait tous ça, dire quand on a rencontré quelqu'un une fois, dire mon ami. Non. C'est très énorme. Mon frérot. Moi, je dis frérot. Ton frérot de Joestar, je crois, Sébastien, d'ailleurs. Mais Joestar, il répond à mes stories. C'est vrai, je fais une story par mois, déjà. Et à chaque fois, Joestar, il me répond. C'est vrai? À chaque fois, c'est trop bien. Nouvel an, j'ai un truc de nouvel an. C'est mon meilleur ami, en fait. Un homme a été roué de coups à Toulouse. Ah, ouais, encore, j'ai calmé tout le monde. On est encore dans la première séquence. J'ai oui, calmé tout le monde. C'est ça que c'est le nouveau Floodcast. Un homme a été roué de coups à Toulouse au cours d'une partie de pétanque. À votre avis, pourquoi a-t-il été roué de coups? Parce que il a tiré alors qu'il avait dit qu'il allait pointer. Non, mais je crois que j'ai vu ça. Je l'ai lu, écoute. Bah oui, bah dis-le alors. Parce que c'est un cochonnet. Vous vulgarisez, vous vulgarisez. Tu disais quoi, SMM? Merci. Parce que c'était un cochonnet. Non, pas du tout. C'était lui-même un cochonnet. Ouais. Je peux. Bah je pourrais quoi, donner on un indice. Des boules sur toi. C'est pas lié à l'alcool. Il y a pas un rapport avec l'alcool. Oh. Non, pas d'alcool. Non. C'est un cliché ça. Ouais. On aime la pécor quand on est alcoolique. Bon, s'il te plaît. Non mais je. Je peux donner un indice. Oui, ah ouais, tu vas me donner une petite canette de Pepsi aussi, s'il te plaît. Non, moi je vais faire normalement on dit est-ce que tu peux pas tu vas me donner. Oh, vous êtes suffisamment proche. J'ai dit s'il te plaît et tout. Oui, mais c'est comme dire merci de. Ah c'est marrant. Ça, le, j'ai dit merci. L'eau au charbon. Ouais. Elle sent le siège de la 19 chamade. Celui qui était en pot de chamois là, en daim. Eh mais c'est bizarre, ouais. J'ai pas envie de boire de l'eau, mais. J'ai pas envie de boire de l'eau. Je bois que du coca, moi. Ça me dégoûte un peu. Adrien, ton indice. Mets-moi une lichette. Bah si je c'est bien la bonne l'anecdote à laquelle je pense, c'est quelque chose qui devrait parler à Lucien. Exactement, c'est l'anecdote à laquelle tu penses et qui parlera à Lucien. Il y a quelqu'un qui a fait un jeu de mots et lui a pété la gueule. C'est une excellente réponse de Sophie Marie Laroui. Oui. Ah, le gars a fait un jeu de mots. Je vais vous raconter. C'est pas aussi. Il s'est fait niquer par ses potes. C'est mieux raconté, malheureusement, mais bon, je vais quand même vous dire ce qui s'est passé. Les faits se sont produits il y a un an lors d'une partie de pétanque avec des amis dans le secteur de Saint-Simon à Toulouse. Tu en parles pas dans ton podcast, c'est pas en Île-de-France. Non, j'en parle pas. Malheureusement. L'amour du stif. Allez. L'un des boulistes lance un défi pour de l'argent. Je vous parie que je sais faire 200 pompes. Ah oui, ses deux compagnons boulistes parient avec lui. Oui, oui. Mais alors, l'homme retire ses chaussures et déclare, insolent, je viens de faire mes 200 pompes. Parce qu'il n'avait plus de chaussures. Ta mère. Et ils l'ont frappé. C'est vraiment une sale vanne. Ta mère. Je vous lis vraiment ce qu'il y avait écrit sur le site France Bleu, parce que c'est vraiment très bien écrit. Ses deux compagnons de pétanque n'apprécient pas ce jeu de mots. Ah. Voyant que leur pari n'est pas pris au sérieux, ils le frappent violemment et lui portent plusieurs coups de couteau à la tête. Mais non. Ah, oui. La victime est sévèrement blessée, il y a des plaies au crâne, il a les deux poignets cassés, il s'en sort avec 30 jours d'ITT. Eh mais c'est saut 2 le truc en fait. C'est clair. Pour une blague. Pour une vanne nulle. C'est vrai qu'elle est nulle, mais quand même. C'est plus pour le côté je vous ai carotte que pour le jeu de mots. C'était combien le pari? L'histoire ne le dit pas. Un an plus tard, les policiers de la sûreté urbaine chargés de l'enquête parviennent à identifier les agresseurs. Ils ont mis quand même un an pour résoudre l'enquête. Ah ouais. Et vous savez comment on appelle les méchants aux boules? Non. Les méchants, c'est une blague ou Non, c'est un vrai truc. Les méchants, mais il y a des méchants. Ouais, alors déjà, les méchants boules. Ils ne froncent pas les yeux comme ça. Les sourcils étaient si froncés. Quelle ordure. Je ne peux pas le dire différemment, sinon vous allez avoir la réponse. Les méchants aux boules. Ouais. Les boulistes, pétanqueurs. Non. Les malbouleurs. Tu sais, comme dans les ultras aux boules. Ah oui, les ultras des boules. Les Bull Boys. Non. Les Maboules. Oh oui. Non, mais c'est merci. Trois coups de couteau dans la tête. Est-ce qu'il y a Boule? Ah oui, oui. Il y a Boule dedans. Elle a cligné de l'œil. Les Déboulonnés. Non. Les Bulldogs. Les Maboules, pour le moment, c'est vraiment mieux. Non, est-ce que vous voulez la vraie réponse? Boule Bizarre. Ouais. Les Bulligans. Oh, putain, j'ai adoré. Ça va saturer. Moi, ça sature dans mes oreilles. Oh. Enlève ton casque. Mais tu mets les deux oreilles aussi. Oui, ah bah oui, c'est vrai que. Oui. Mais alors, t'es un gestion, Sébastien, il est pro, il a une chronique tous les mois. Bah moi. Comment s'appelle l'émission, Adrien? L'amour du ski. Ça c'est le nom de la chronique. L'émission c'est Place des Fêtes. Ah oui, ouais. Bah. Désolé de faire ta pub, mec, on n'est pas au top. On dira plus rien. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations un peu reloues à cause d'une blague? Bah oui, oh, excuse-moi, madame, je fais des questions ça, un peu surprenantes. Mais... excusez-moi, mais si t'étais un plat dans un frigo, un peu tiède, vous auriez quoi? Parce que ça va être triste et vous êtes toujours triste quand je raconte mes histoires. Non, du tout. C'est pas vrai, attends, il y a un petit charme régional. J'ai une serviette autour du col parce que j'ai envie de me régaler de tes histoires, tu vois pas ou quoi? Est-ce que vous êtes retrouvé dans des situations à cause d'une blague, un peu dans la merde, ou inverse, une situation peut-être un peu embarrassante, voilà, où l'humour n'a pas été un allié, voilà. Tout ça. J'attends l'anecdote de Seb pour en avoir une. J'avoue. Moi, j'ai un truc que moi j'ai dit que je le disais plus, ouais, mais je l'ai déjà raconté dans le podcast, mais je l'ai dit. Voilà. Je l'ai dit. Non, mais un jour, on rentrait d'une reçoit, à l'époque où j'étais encore à Saint-Germain-en-Laye, ville de naissance de Sébastien Chassagne et de moi-même, Mignel. Et on a la même carte de la Chine chez nous. Enfin, je le dis, on est connectés. Tout ça, c'est vrai. Chine dont vient Sébastien d'ailleurs. Oui d'ailleurs, mais c'est fou ça. Je savais pas que c'était ton pays d'origine. Pays d'origine. Tu m'as dit ça. Non, et donc on est 5 dans une voiture, quelqu'un ramène tout le monde, sympa, la vie de banlieue. Sam. Est-ce qu'on est serré dans une caisse ? Bien sûr. Ouais. Et moi je suis à l'arrière au milieu. Comme l'enfant. Place du con. Voilà. Place du con. Genre, j'avais dit l'enfant, mais le con me blesse. La victime. La chiasse, la merde humaine, la place de le déchet. Et donc, en plus, la place n'a aucune importance dans l'histoire. Et on roule, et c'est la nuit. Et il y a une forme comme ça qui bouge sur la route. Et donc, la conductrice fait Ah, c'est quoi ça ? Et moi, je fais une blague, je fais « Non, vas-y, roule, t'inquiète, c'est juste un chat. » Blague. Sauf que la meuf qui était sur le siège passager venait de perdre son chat, il venait de se faire écraser. Yes. Et je le savais. Et donc, je le savais, juste au moment où les mots sont sortis de ma bouche, j'ai fait « Non, vas-y, t'inquiète, c'est un chat. » Et j'ai fait, et j'ai vraiment serré la cuisse de mon pote à côté, genre « Quel con !» Et la meuf, elle a juste fait « Oh non !» Et après j'étais genre horrible. En plus elle ne réagit pas agressivement, donc tu t'en veux deux fois plus. Non voilà. En fait le silence était plus jugeant que n'importe quelle phrase qu'on aurait pu me dire quoi. C'est un peu comme dans Kill Bill quand elle veut crier et qu'elle ravale son cri là. Je sais pas la séquence animée. T'as vu le film Adrien? Alors, oui je l'ai vu mais je me rappelle plus de ça. Il y a une séquence animée. C'est Princesse Mononoké ce que tu es en train de dire. C'est avec des Sylvains dans la forêt. Sylvain Mirouf. Ah si j'ai fait une mauvaise blague une fois sur un tournage, il fallait faire il y avait un pot comédien. C'est une bonne transition. Je sais pas ce qu'il devient. C'est le meilleur. Mais non, mais Sylvain Mirouf, je sais pas quoi dire. David Copperfield, vous vous souvenez quand il avait effacé la Tour Eiffel? C'était pas genre nul à Yesh. Il avait effacé la Tour Eiffel, il l'avait juste éteinte. Mon enfance est morte ce jour-là. Ah. Vous vous souvenez pas de ça? Si, mais moi je me rappelle. Il l'avait juste éteinte. Mais parce qu'il l'avait fait avec d'autres trucs avant, je crois. Oui, il avait effacé aux États-Unis. Et en fait, il a effacé la personnalité de Claudia Schiffer. Wow. Il est toxique, le mec, c'est ça? Il est toxique. Moi, en plus, ce truc de David Copperfield, j'avais lu son tour, en fait, c'était que les gens étaient placés sur un truc sur l'eau, apparemment. Une plateforme sur l'eau. Mm-hmm. Et en fait, la plateforme, elle pivotait très légèrement. Et quand ils retiraient le rideau, les gens faisaient « Oh, ça a disparu !» Bah non, c'est juste que vous regardez plus au même endroit. Oui, c'est ça, ils ont fait tourner la tête, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme la légende urbaine sur comment il s'appelle celui qui change. Arthur Rovacchetti. Ah oui, bah ça, ouais. Il paraît que c'était des jumeaux. Moi, j'ai entendu. Et qu'il y en a un qui est mort et que du coup, bah, il pouvait plus trop le faire. Oh, waouh. Moi, j'y crois pas. Il n'y a pas que ça. Non, mais t'as des vraies histoires. Il peut y avoir deux gars avec cette coupe-là. Non, mais sur Arthur Rovacchetti, je pense qu'il y a plein de trucs envisageables, mais que ça, c'est peut-être de la connerie. Oh, ça va, oui. Non, mais parce qu'il y a. L'amour du Steve! Allez, m'en fous, ouais, je balance des trucs. Hein. Non, je peux pas dire les trucs de Arthur Rovacchetti. T'as des vraies histoires, d'accord. Bah, non, parce que j'ai des gens qui ont été ouvreurs et ouvreuses, non, mais qui ont signé des papiers oui, et qui me l'ont dit. Et alors, si moi je commence à. Non, tu vois, qui m'ont quitté dans les coulisses et tout. D'accord, mais dis-le. Non, faut pas le dire. David Copperfield, je peux balancer. Oui, parce que il est moins sympa. On s'en fout. Et puis vraiment, effacer la Tour Eiffel, quelle merde. En plus, il avait fait une vieille mise en scène, il avait un béret. Et tu sais, il effaçait une ardoise. Enfin, c'était nul. Eh, bonjour. C'était nul. Mais vraiment, là, entre ça et les spectacles de magie de mauvais goût, ça t'a énervé. Les spectacles de magie, quoi. Je suis pas d'accord. Ouais, le close-up, il y a des trucs bien en close-up. Je sais pas, je comprends pas les mots. Non, il a utilisé un terme de mec qui ça passionne un petit peu. Donc fais attention, tu es sur des charges. Il a fait très attention, Sophie Marie, parce que derrière son oreille. Ah, non, mais si c'est pour finir à faire des tours de magie à Gare de l'Est, c'est pas la peine, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est une connivence. J'ai pensé en plus. Private joke que vous ne partagerez pas, bien sûr. J'aimerais avoir ton anecdote. Je dirais. Oui, elle est très simple. Alors, c'était sur le tournage de Gaston Lagaffe. D'accord. Et alors, il y avait. D'accord. Et sur les tournages, okay, on fait des quand on s'entend bien, etc. Et puis hors pandémie, bien sûr, on fait des pots. Donc le pot de la mise en scène, le pot des machins. Des pots comédiens. Des pots comédiens, oui, par exemple. Je me disais, c'est quoi ce mot pot comédien que tu dis? Non, parce que t'as c'était le pot un seul mot. Comédien. Pot de la mise en scène, oui, oui. Pot de, ah, pot va, de déco, compris, pot de. Tu le métier quand même. Pot du son. Bref. Et donc, il y avait un pot comédien Podologue. Qui s'organisait. Et donc, l'idée des pots comédiens, c'est que tout le monde mette un peu de sous, etc. Sous, pour que ce soit sympa. C'était un tout petit film, donc il fallait mettre et un peu donc, de sous. Donc, voilà, il y avait des sous. Il y avait des grosses différences salariales, hein, malgré tout. Ouais. Par exemple, ton salaire par rapport à celui d'Arnaud Ducret, par exemple. Tu penses que je t'en parle? Je pense qu'on est sur une différence de 1 à 9, sans déconner. je pense vraiment, et je plaisante pas du tout, je pense qu'on est sur... Ah bah je te crois à sans aucun problème. Je pense vraiment c'est x10. Et bref, on fait un peu comédia, tout le monde se dit... Je suis là, payé moins cher. C'est Arnaud Ducrest, hein? Non. Ah ok. Quelqu'un d'autre qui joue dans le film. Esteban, ouais. Il le fait très moyennement. Et bref, et donc, on est au HMC, habillage, maquillage, coiffure. Et donc, on est, je dis pour Adrien. Et donc, on est au HMC et tout. Et alors, c'est ce soir le pot comédien. On avait mis un peu de sous, on avait mis les petits plats dans les grands. Il y avait plein de trucs prévus. Et moi, je fais non, on peut pas parce qu'il y a un des acteurs, Christophe Canard. Il y a un des acteurs, il veut pas mettre, il manque 50 balles, il veut pas les mettre, donc ça a annulé. Blague, pas terrible, terrible, mais bon, on s'entend bien. On sait que c'est une blague parce que ça coûte plus de, enfin, je veux dire 50 balles, n'importe. Qui pendant le tournage pouvait les mettre, surtout Arnaud Ducret. et donc, je fais ma petite blague au HMC pendant que tu vois, il y a le sèche-cheveux. Donc on... Et en fait, sur les coups de... c'est une bonne circonstance. Sur les coups de 15h30, il y a Christophe Canard qui vient me voir et qui me fait Seb, ta blague là, ça commence à être compliqué, personne vient au pot comédien. Je fais arrête tes conneries, pourquoi personne vient au pot comédien? Bah, tout le monde pense que c'est annulé. Et en fait, la blague, ça a fait grandi. Plein de gens ont pris des billets de train en se disant ah bon, c'est annulé parce que ça a grandi, machin et tout. Donc il y avait la moitié de l'équipe qui s'est barrée. Je crois que c'est Alison Wheeler qui est venue m'engueuler parce qu'elle m'a dit mais Seb, mais enfin, t'es complètement con. Pourquoi t'as fait cette blague? Et moi j'étais là, mais non, mais c'est vrai que c'est pas drôle, mais je pensais pas que ça ferait annuler un truc. Et, wow. donc la moitié de l'équipe partait et j'ai dû aller m'excuser auprès de plein de gens, dont Jérôme Commandeur, en lui disant Jérôme, je suis désolé, je sais que t'as pris ton billet, mais voilà, si tu peux revenir à notre fête et tout. Et tout le monde était là, genre, mais c'est, en plus, c'est pas drôle. Surtout, c'était ça le problème. Ouais, ça. Et puis il y en a plein qui avaient les boules d'avoir mis un certain montant et de savoir que ça allait être partagé par 13 personnes au lieu des 75 attendus, quoi. Voilà. Vous en avez bouffé du pâte en croûte du coup. Hein. Ouais, mais surtout il y avait des camions. Enfin, c'était ça la blague, quoi. C'est qu'il y avait des petits camions, genre camion burger, camion barbapapa. Ouais. Oui, c'était un gros pot comédien. Ah, c'est pas un pot. Parce que dans mon lexique, un pot, c'est un truc avec trois cacahuètes. Ou tu ramènes ton oasis. Ouais, voilà. Là, c'était un gros pot comédien. On était à Martigues. C'était une fête, quoi. Du finoche, quoi. C'était une fête, quoi. Ouais, voilà. C'était une fête qui s'est transformée en. En fiasco, ouais. Fiasco avec Seb seul et 4 gars. Moi qui ai dû aller m'excuser auprès de l'intégralité de l'équipe. Il y a un moment donné, il était question que je rembourse les billets de train. Enfin, c'était vraiment nul. Ah, vous entendiez vraiment bien. Je comprends mieux l'ambiance à la première. Mais Jérôme Commandeur a été cool. C'est le seul qui a trouvé que c'était drôle. Ah, et Pef aussi. Pef a trouvé que c'était drôle. Surtout, en fait, le fiasco, il est un peu marrant quand même. Oui. Sur le moment, non. Moi, j'ai une petite anecdote, mais je sais pas si c'est marrant. Je réfléchis depuis tout à l'heure, je suis pas sûre. Non, mais attends, vas-y. Oh, j'en ai une autre après. Ah, tu vois. Vas-y, non, je t'en prie, mais je réserve mon slot. Ouais. Ouais, parce que souvent Flaubert me demande pas après, donc. D'accord, bah vous réglez vos petits machins. Quelle ordure. Il est sur ta gorge. Trois fois, je dis non, mais j'ai rien. Non, mais. Après, on n'a pas non plus. J'assume ma part de responsabilité. Tu vas de faire rutiler le sol si t'as une anecdote, tu vois. Tu veux dire que je demande de l'attention Sophie, c'est ça que tu dis, Sophie Marie? Oui. Ouais. Donc Sophie Marie, ton anecdote. Alors, encore une fois, elle n'est pas ouf, mais moi, ça m'avait vraiment choquée. C'était il y a très longtemps. Je ne suis même pas sûre que la loi E20 ait déjà passée. Oh putain. Ah ouais. C'était Mitran. 2007. Mitran. C'était Mitran au pouvoir. Mitran. Je suis avec un garçon avec qui je commence à sortir. Et là, on est... comment expliquer ça? On est dans la couche. Et on commence un peu, je sais même pas comment expliquer. À se chauffer, quoi. On se touche les parties. Ah, sympa. Je vois là. Tu vois. Puis. Et puis, je lui fais une blague. Tu sais, on était en train de se toucher un peu les parties. Il doigtait, quoi. Moi aussi, je le doigtais. Tu le doigtais aussi. Ouais. Et puis, je m'arrête pendant une seconde. Et je lui dis, ah, j'ai plus envie. Mais tu sais, genre pour rigoler. Ah ouais. Et le gars a pété un câble. Ah merde. Mais il a. Pété un câble. T'enlèveras un câble pour faire comme s'il avait pété le mec. Non. Est-ce qu'il a. Il était trop. Est-ce qu'il a pété un câble ou est-ce qu'il a pété un câble? Il a pété un câble. D'accord. Et je n'ai jamais compris parce qu'après j'étais là, j'essayais de rattraper ma boulette, tu vois. Mais... Genre, pardon, excuse-moi, mais non, mais je rigolais, mais regarde, enfin, tu vois. On regarde, était... je suis chaude. Ouais, toi. Voilà, tu vois. La blague. Hop, je suis hyper libéré. Après tout, je suis toujours à poil. Et nanani, nanana. Et je vous avais dit, c'était nul, mais franchement, ça fait des années et moi, ça me marque encore. Attends, c'est quoi, tu lui as dit, J'ai plus envie, c'est ça? Ouais, j'ai dit, ah oh non, j'ai plus envie. Et tu sais, je me suis tournée en mode spoon, tu vois. Mmh, en mode, c'est bon. Mmh. Le gars traduit tous les acronymes et tous les anglicismes. C'est marrant parce que moi, il y a déjà une meuf qui m'a dit, oh non, j'ai plus envie. J'ai fait, ah, trop marrant. Mais elle avait juste plus envie. Elle avait juste plus envie. Non, d'être en couple avec toi. Compléter. C'est la première. C'était pas la première fois. Comme ça. Pardon, non, t'inquiète, c'est un safe space. Sébastien, reviens avec nous. Sébastien Castagne. Je t'ai coupé. Ah, l'amour de Steve, allez, vas-y. mais peut-être qu'il était c'était au tout début, c'est ça? Vous aviez déjà fait plus que vous touchez les parties? Ouais, on avait déjà fait plus de choses. Il avait aucun problème par rapport à ça. Il avait peut-être des problèmes de confiance en lui, non? Non, je crois que c'est bon. Ok. On ne connaît pas l'intimité des gens. Peut-être qu'il avait des trucs de. Tiens, je me sens bien. Peut-être qu'il allait te dire qu'il t'aimait. Peut-être qu'il était sur le bord de. Écoute, dire... il m'avait déjà dit. Ok. Bon, il n'y a aucune raison. Alors... il n'avait pas d'humour, non, quoi. Mais... il t'est arrivé exactement la même chose, c'est tout ça. Non, mais peut-être, attends, j'imagine. Hein, on va régler. Mec... Mettons-nous dans les baskets du gars, quand même. Oui, imaginons. Mettons-nous à sa place, tout de même. Avant de juger. Peut-être que le mec. Voilà, quelle était sa journée, en fait? Moi, je sortais de Gaston Lagaffe. Peut-être. Il n'était pas certain de son identité ethnique. C'était probablement le chef électro de Gaston Lagaffe. Ça, c'est un bon biopic. Alors, ça, je alors, regarde. Du coup, j'en ai alors, une Adrien, autre. Je Adrien, je t'en supplie, alors, raconte ton anecdote. C'était sur un tournage. Non, j'ai plus envie. Bien joué. Pète un câble. Non, et je suis en train de prendre le petit-déj avec du craie. Comme j'ai envie de préserver les identités, ah bah alors, okay. On va dire que je prenais le petit-déj avec du craie. C'était pas du tout du craie, hein, bien sûr. C'est des pseudonymes. Et je suis en train de prendre le petit-déj avec Arnaud Ducret, donc, et on discute de choses et d'autres. Ouais. Et je vois du coin de l'œil. Donne-moi un autre comédien. Homme ou femme? Peu importe. Ok. Daniel Chazuble. Ah, merci. Bon, Daniel Chazuble, voilà. Et donc, je vois Daniel Chazuble qui s'apprête à rentrer dans la pièce du petit déjeuner. Et donc, je suis avec Ducret. Alors, je répète, hein, ce sont des pseudos, oui, mais l'histoire est vraie. Attends, c'est pas Daniel Chazuble. et donc, je suis en train de parler. Et au moment, du coup, je fais cette blague que j'aime faire souvent. C'est-à-dire qu'au moment où Daniel Chazuble rentre dans la pièce, je dis à Ducret, ouais, mais bon, ça, tu vois, c'est le problème avec Daniel Chazuble. Et après, je fais, ah, salut, ça va, Daniel? Un classique. Le classique. Ouais, et donc, Daniel Chazuble fait, ouais, ça va, ouais. Il s'installe, on prend le petit déj et tout. Il a capté. Et. Tournage, on tourne, machin, etc. Et à midi, Daniel Chazuble vient me voir et me fait le truc que t'as dit au petit-déj, c'était une blague en fait? Et je fais bah ouais. Il fait ah d'accord, parce que moi je fais de la gueule à Arnaud Ducret depuis ce matin en pensant qu'il était en train de dire du mal de moi, quoi. Le député canadien William Amos s'est retiré de ses fonctions. William. Des Black Eyed Peas, qui est devenu député québécois. Bien sûr. Tonight is gonna be a good night. Someone please. Non, c'est Wyclef. Ouais. Le député canadien. Et Marie J. Le député canadien William Amos s'est retiré de ses fonctions après avoir laissé sa caméra allumée lors d'une réunion importante alors qu'il était en train de faire quelque chose de plutôt inapproprié. Caca. À ce moment-là. Non. À votre avis, qu'a-t-il fait? Un album. Il a enregistré un album. Tu as dit quoi, ça? Un prout? Non, pas un prout. Il parlait de Tori Amos. Non. Il s'est lébran? Pas lébran. Il a regardé du porn? Non, mais on s'approche, hein, tout doucement. Ouais, bon, c'est allez. Sexuel? Il a c'est ken. Pas sexuel. Il a testé des imitations. Il a galoché. Il avait une séquelle. Attends, je sais. D'accent raciste. Il était en train de faire des accents racistes à cause d'un accident. Il a embrassé un poster de East 17. Non. En faisant un trou sur la bouche pour mettre la langue. Il testait des moves. Non. Il s'est changé. On n'était pas loin avec pornos, branlés. On était dans le domaine. Hein, il a galoché quelqu'un? Galoché personne. Il s'est mis torse nu, il s'est touché comme ça? Non, okay. Pas comme c'est ça. Sexuel? C'est pas sexuel. Il s'est pincé? Enfin, ça peut être sexuel. Attends, mais c'est pas... il a regardé un tuto de Enjoy Phoenix. Non. Il s'est douché? Il s'est mesuré la tub? Non, on s'approche tout doucement. Ah, il s'est mesuré l'anus spreading? Non. Il s'est tiré sur la bite parce qu'il avait froid et elle était petite? Non, mais il a tout. Ah bon? Ouais. Bah, quand ta bite elle est un peu petite à cause du froid, tu. Tu tires dessus, ouais, ça. Mais dans le pantalon, dans le falsa. Quel... Oh, il y a deux bruits, deux petits bruits. non, c'est faux. En tout cas, c'est en rapport avec la teub. Ah, bah c'est... ça, évidemment. Il a senti sa bite. Non. Ah, il ah se... comme le. Il a pissé. Ah, il s'est auto-tucé. Non. Il s'est retiré les côtes. Non, non. Léopold. Non. Il a. Attends, alors, c'est... faut expliquer ça juste avant de dire juste Léopold. Oui, bah, dans le podcast qui n'est pas sorti à cause d'un. Qui a bugué, Léopold nous disait qu'il avait plusieurs fois essayé de s'auto-sucer. Voilà. Moi, je parle. Léopold le Marchand dit voilà. L'opérave, et moi je parlais de cette technique dont j'avais entendu parler dans les couloirs du collège, et qui était que j'avais pas testé du tout, parce que j'avais une douche chez moi. C'était dans une baignoire, tu mets du savon et du comment on appelle ça, du gel douche, et tu glisses sur le côté petit à petit, et comme ça ta teub s'approche tout doucement de ton visage. Moi j'ai déjà fait, j'ai failli me noyer. Ah bah... Faut pas mettre d'eau normalement. Hein. J'ai mis de l'eau, j'étais dans le bain, et je me suis cupotée, tu vois. Ouais. J'ai failli me noyer. Ah bah... Mais j'ai failli rester. Hein. J'imagine le regard de panique à l'envers. Moi j'imagine l'enterrement, genre bah elle est partie comme elle a aimé vivre. Ouais. En faisant ce qu'elle aimait. Tête bêche dans une baignoire. Alors. Bon, donc alors, ça a été dit, c'est pissé. Pissé. Mais. Pissé dans le lavabo. Non, dans un bro. Sur le drapeau, sur le drapeau québécois. Par la bannière du soldat inconnu. Non, vous êtes pas loin. Dans un violon. Non, il a pissé tout simplement dans une petite tasse à café. Ah oui. Hey, alors, moi, je vote pour lui. Alors, ouais, moi, attendez. J'aime bien. Oui, mais il y a une histoire. Quelle est la raison? Non, mais il y a une histoire. Il avait une ch'touille, c'est une infection urinaire. Il a trop peu de pipi. Il est passé inaperçu, lui. Si, t'as une histoire. Non, t'as un background, t'as une story. Les gens l'entendront peut-être. J'ai déjà joué en conduisant sur l'autoroute. Ah, bah on va y revenir. En fait, on n'a pas vu son organe génital, mais pourquoi ce monsieur a dit qu'il arrêtait d'être... Parce qu'on pourrait se dire, est-ce si grave? Est-ce qu'il faut vraiment quitter? Bah, moi, j'ai défendu le mec qui se faisait chier dans la bouche. Donc, alors qu'il était nazi, et tu le savais pertinemment, d'ailleurs. Non, il faut savoir qu'il représente le Parti libéral de Justin Trudeau, et que le problème, pourquoi il a dit qu'il quittait ses fonctions, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il fait nawak en réunion. En réunion, en Zoom. Ah, en Zoom, d'accord. Il y a un mois, le député avait été surpris nu, se tenant debout entre les drapeaux du Canada et du Québec, ses parties intimes cachées par son téléphone, face à la caméra de son ordinateur connecté, pendant la séance des questions au Parlement. J'adore ce gars. Il avait déjà plaidé l'accident à l'époque. Non. Donc, oui, donc du coup, l'opposition a dit, ça fait quand même deux accidents un peu particuliers en très peu de temps, donc malheureusement... Mais oui, mais avec la Covid, on n'a pas l'occasion d'être exhibitionniste si facilement. C'est vrai, donc il a sauté sur l'occasion apparemment. Bah, c'est ça, simplement. Peut-être il n'est pas à blâmer, c'est pour tout simplement une taupe de l'adversité pour faire croire que vraiment c'est n'importe quoi, ce gouvernement. Non, non, mais là je crois juste qu'il aimait bien se foutre à poil. Hein, je crois que. Alors, donc on a joué en bagnole. Alors attendez. Voilà, on a joué dans une tasse. Joué en bagnole. Qui vote pour la tasse en premier? Ouais. Allez, la tasse. Vas-y. Moi je suis chaud sur la tasse. Allez. Ouais, il l'a déjà raconté dans un floodcast. C'est bon. Allez, ensuite. C'est vrai ou pas? Non. Ah, je sais pas parce que c'est possible. Non, mais rien d'extraordinaire. Moi j'avais pas. Le café était un peu dur. Non, mais c'est une tasse. C'était un peu âcre. C'était une tasse vide, j'étais en train de me lébrant. Oui, oui. Et j'avais pas envie de me lever pour aller chercher du sopalin. Combien de mètres carrés tu vivais à l'époque? Bah, je sais pas, 40 et quelques. T'aurais quoi. Pu faire un petit effort. Bah non, mais quand t'es dans le feu de l'action, t'as pas forcément envie de t'interrompre. Il y a des moments. Mais tu peux pas jouir comme tout le monde sur ta cuisse. Comme tout bon français. Attends, moi je me permets d'intervenir. Moi je. C'est vraiment les 4-5 premières branlettes de ma vie où j'ai joui sur moi, mais après toutes les autres, il me fallait quelque chose sur lequel jouir. Quoi, parce que c'est chiant, ça colle et tout. Mais moi, c'est pour ça que aussi. Jouer sur ta cuisse. Non, mais oh, ça va. Retourne dans ta baignoire, faire tes trucs. N'importe quoi, t'es méthodes. Attends, il y a plein de gens qui se jouissent dessus et qui s'essuient après. Bien sûr. Alors, dans quel monde vous vivez? Mais vous avez des poils ou. Mais oui, mais je crois vraiment. J'en ai pas beaucoup. Écoutez, alors, et là, je m'adresse aux auditeurs. Vous n'êtes pas tout seul, aux d'accord auditeurs, et oui, voilà, c'est vrai. S'il te plaît. Vous jouissez du Musper sur vous. Je pense qu'il y a des gens qui se jouissent dessus et qui ne vont pas jouer dans un petit truc récipient. Si, il y en a. Mais non, mais d'accord. Mais bon, permet... Et il y en a que ça dégoûte, c'est vrai. Oui, j'entends, bah, moi, j'aime pas. Non, ça ne me dégoûte pas, mais ça colle, c'est chiant. Sébastien est rentré chez lui. Il est rentré en Chine. Bon, bref, j'ai joué dans un mug, voilà. Est-ce que c'est le mug que je t'ai offert? Je sais plus, j'avoue, je sais plus. Mais non, mais c'est très pratique. C'était après, un tu mug dis... de le meilleur tonton. Non. Ok, ensuite. Mais c'est très pratique, hein. Ouais, mais c'est pas fait pour ça, rappelons. Tu vides ça. Ouais, de... mais c'est facile en plus à nettoyer. Ben, un mug. Bah, tu hop, tu vides ça dans, tu les, dans le lavabo. Un tu mug. Mais non, bien sûr que je l'ai pas rempli. Mais c'était juste un petit. Mais c'est pas la peine de me hurler dessus comme ça. Non, mais tu m'accuses là de dire des trucs. J'ai jamais dit que j'avais rempli un mug de sperme. Il remplit un mec de sperme. Ivre virgule. Son histoire va vous étonner. Une fable de non, la non, bah, non. Et donc t'as joué en caisse, enfoiré. Ouais. Bon, ça c'est pas non plus. Excuse-moi. Hein. Mais alors pendant que, parce qu'on avait raconté une anecdote, je me souviens, il y a très longtemps dans un podcast. Mais je conduisais. Hein. Qui était une. Oui, non mais alors ouais. Justement, je me permets de rappeler. Je crois que c'était Carlito qui nous l'avait raconté à l'époque. Ah ouais, on a encore le droit de dire son nom. C'est un ami de l'émission. C'est un ami de l'émission. Et il s'était branlé pendant le, pour rester éveillé en fait. Il se branlait aussi, voilà. Sans jouer. Ah mais donc voilà, on y vient. Voilà. En fait, moi, ça m'arrivait souvent. Le problème de, j'adore conduire, sauf sur l'autoroute. Quand tu fais un long trajet sur l'autoroute. Je préfère conduire sur l'autoroute. Ah ouais. Ouais. Ah, après, je me branle pas en bagnole, donc je sais pas si. C'est si long. En fait, c'est si monotone. C'est pénible en fait de. Ah, moi j'aime bien, du coup je peux mettre de la musique et tout. Enfin, bon, bref, et de temps en temps. C'est pas le sujet. Et moi j'ai tendance à commencer à me micro-endormir quand je suis sur l'autoroute. Ouais. Et donc souvent un des effets de la fatigue quand vous possédez un pénis, c'est que ça vous fait bander en fait. C'est une fonction, c'est une vraie fonction. C'est ton corps check que tout fonctionne. D'accord. En fait, et donc ça, parfois ça te fait bander. Okay. Et bon, bah, la plupart du temps vraiment je laisse passer. Ouais. Mais il y a une fois où je me suis dit, bah, ça va me maintenir éveillé. Et effectivement, ça m'a maintenu éveillé. Mais alors, pourquoi les bonhommes, ils tombent toujours de fatigue après non, avoir joué? Non, parce qu'il faut pas y aller jusqu'au bout. Ah si. Ah, ouais, bah, j'ai craqué et tout. Ah, ouais. Ah mais oui, c'est vrai. Bah, moi, oui, alors moi, là, j'avoue que je... Mais moi, ça m'endort pas du tout de jouer. Hein. Ah ouais. du tout. Non, pour moi, c'est une légende urbaine, ce truc. Les mecs s'endorment après. C'est pas une légende urbaine, c'est chacun différent, Lucien. Oui, mais c'est comme la synchronisation des cycles de règles de 28 jours entre copines. C'est une coïncidence, quoi. C'est ou juste, les accents. Il y a des gens comme ça et c'est pas du tout une règle. Mais quoi. Est-ce que la légende urbaine, c'est pas le fait d'avoir une activité physique un peu, tu vois, qui peut fatiguer et que c'est pour ça qu'on dit, ça, il dort après? Est-ce que c'est pas ça? Ouais, peut-être. Non, mais Mais moi, je suis plutôt la pêche. Au contraire, je suis là. Allez! On se fait un blackjack. J'imagine une pub un peu. un bill bokeh. J'imagine vraiment une pub où tu fais, moi, après m'être branlé, la pêche! J'ai vraiment la grande pêche! D'accord, de belles histoires de jeux. Oui, drôle de messages de sécurité routière aussi. Ouais, non, c'est pas ouf. J'avoue. C'était ça ou s'endormir, franchement. Ouais. Éviter l'accident, sur l'autoroute. Ouais, attachez vos ceintures et branlez-vous. Toutes les deux heures, une pause s'impose. Et toutes les trois heures, une petite giclade s'impose. Si vous avez l'occasion. Quelle étrangeté. Ouais. Un Sud-Coréen a inventé un appareil tech pour faciliter la vie des accros au portable. À votre avis, lequel? Parce que là, je vois qu'Adrien est sur son portable. C'est un vrai addict, hein, de toute façon, sur son téléphone. Ah, tu m'étonnes. Et donc, un Sud-Coréen a inventé un appareil tech pour faciliter la vie des gens comme Adrien. À votre avis, lequel? Alors, moi, je pense que j'ai la réponse en une fois. Ah bah alors, je t'en prie. Ah, mais tu sais ou t'as deviné? Non, j'ai deviné. Vas-y. À mon avis, c'est... vous voyez un... Comment on appelle ça? Un pupitre. Oui. Bon, mais vous voyez un casque. Mmh. Ouais. Bah, vous mettez les deux ensemble et c'est tout simplement un casque pupitre pour pouvoir avoir accès. Un cassitre, un pasque. Marsupilami. Non, c'est pas ça. J'ai compris. Imagine un casque de moto avec une visière. Ah, donc un casque. Et un casque, mais pupitre. Mais non, mais pupitre. Ah, pour mettre le portable. Et voilà, et d'accord, c'est vraiment un casque super. Oui, pardon, mais c'est moi, excusez-moi. C'est pas ça du tout. Mais en même temps, il y a un truc un peu. Je croyais pas non plus. Mais, là où tu as une très bonne idée, c'est qu'effectivement, c'est un truc un peu pour prévenir d'un danger. Ah, je pensais pas que ça. Ah, c'est pour moi le casque, c'était un casque de protection. Est-ce que c'est une sorte de warning, une sorte de rétro qui te permet de voir devant toi en regardant ton téléphone? C'est pas ça, mais je te l'accorde, c'est parce que c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire que c'est un troisième œil que tu mets sur une espèce de, tu sais, comme les casques de camping, putain, là, enfin comme les élastiques frontales, une frontale, et que tu mets sur le front et qui envoie un bip sur ton téléphone quand tu approches d'un mur ou de quelqu'un. Un radar de recul, en fait. Voilà. Ouais, sur devant, mais voilà, c'est ça. C'est Peng Mingwong, 28 ans, qui a développé ce globe oculaire. Avec ce troisième œil, les utilisateurs compulsifs de téléphone peuvent ainsi se déplacer sans se blesser. L'appareil ouvre sa paupière dès qu'il détecte que la tête de l'utilisateur est à moins d'un mètre d'un obstacle. Le troisième œil émet alors un bip pour l'avertir du danger imminent. Attention, en présentant cette solution satirique, j'espère que les gens vont reconnaître la gravité de leur dépendance au gadget. En fait, c'est un, tu vois, c'est pas une vraie invention. C'était plutôt une invention pour dire, imaginez. C'est le Jérôme Bonaldi de la Corée du Sud. C'est Banksy, même, je pense. Je pense que c'est Banksy, tu vois, tout simplement. Et vous avez vu qu'il y a une œuvre d'art invisible qui a été vendue 15 000 euros. Franchement, le respect que j'ai pour ce gars. Et elle est juste là. Ouais. Je montre. Il n'y a que les gens très intelligents qui la voient. Et ça représente Pickle Rick. Rick and Morty. simplement. Attends, moi, mais, moi j'ai du respect pour peu de gens impliqués dans cette anecdote, voire zéro. Zéro. Mais pourquoi? Bah, de la merde en barre. Oui, c'est invisible. Oui, bah c'est rien, ta gueule. T'as vendu quoi? Et les cons qui ont acheté ça, je leur chie dessus. Voilà, c'est tout. Wow. Et que ça va faire de votre fric de foutre 15 000 balles dans rien? Un avis sur Banksy, Adrien? Bref. Non, mais Banksy, il fait quelque chose au moins, quoi. C'est... on peut trouver ça sur côté ou quoi, mais là, dire c'est invisible. C'est littéralement rien, c'est pas un truc invisible. Hein. Et bah oui. La personne qui a mis 15 000 balles là-dedans. Bah lui, c'est de la merde, mais. Mais ben, cambriolez là, si vous m'écoutez. Mais vous, cambriolez ce mec. Et si vous le cambriolez, l'œuvre la plus chère, elle est invisible. Ils m'ont tout volé, mais tout est encore là. Mais donc, je pense que c'est de la javel qui coule dans ses veines à celui-là. Désolé d'être de gauche, en fait. Mais j'ai l'impression que ça m'énerve moins que les gens qui achètent des cartes Pokémon 50 000 dollars. Non, mais je me pose vraiment la question et je crois que ça m'énerve moins. Ouais, ma mène. Je suis Lorenzo. Vous connaissez le rappeur Lorenzo? Oui, oui, ouais. Il a un bob. C'est vrai, okay. Qu'il a un bob. Ouais. C'est tout à fait vrai. Tout est vrai. Mais sauf que je suis pas Lorenzo. Ça, c'est pas vrai. J'ai un bob par contre. Mais moi j'ai une question, j'y connais rien en art contemporain, mais je trouve ça fou que ce soit genre, c'est pas le premier, en plus c'est pas original de ouf. Ça peut pas être le premier gars qui dit, eh ben mon invention, elle non, est invisible, c'est... vous pouvez l'acheter. Non, non, c'est sûr que ça a été c'est fait très, mille très fois. Daté, ouais, mais comme c'est peut-être la première fois que ça marche. Mais c'est une vraie histoire, c'est dans les contes d'Anderson, le truc que je dis là, c'est un man qui vient, qui vend un tissu invisible à un roi et dit, je sais plus comment ça s'appelle, le vendeur de tissu le invisible et l'agneau. Peut-être. Tu pourrais faire des contes d'Anderson, mais vraiment à ta sauce. Sans les réviser avant, tu les fais tous. J'adore raconter des contes d'Anderson, mais comme une anecdote qui s'est passée il y a deux jours, c'est très marrant. Bah c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et à la fin, ils se sont tous foutus dessus parce que tu vois, ils sont pas réussi à tomber d'accord. En fait, il y avait rien. Il y avait rien. Tout le monde était à poil. Il y avait code. Bah putain. Il y avait R. Oui, non, mais ça, c'est sûr que ça vaut pas grand chose en termes de signifiant artistique. C'est-à-dire oui, que c'est invisible, ça n'existe pas. Tu te prends pour qui en fait? C'est dans le geste. Le mec qui s'appelle Oscar là, qui parle bien de l'art. L'amour du stif. Okay. Bah, je vais faire ma gueule en même temps. Non, non, j'ai rien dit sur la branlette. Et justement, non, j'allais en parler. Mais plus intellectuelle celle-ci. Je plaisante, Sébastien. Mais on est plaît. Bien sûr. Pas parce que t'as joué dans Gaston Lagaffe qu'il faut prendre tes grands airs. Allez, désolé. C'est parce que t'as dit signifiant intellectuel juste avant celui-ci là. Il a parlé de McFly, c'était son Max, tu vois. Donc. Ah ouais, c'est la même sauce. Elle les confond. Mais bonnet. La démarche, c'est dire voilà, moi je vous fais que je suis un geste artistique, on dirait un Nikon Film Festival, je suis un geste, et l'autre bah je suis ton geste et je mets aussi, on est dans le vent et puis c'est de la fluctuation et puis la valeur marchande de l'art finalement c'est du rien, c'est que de la spéculation permanente. Bien sûr, tout à fait. Mais les cartes Pokémon à 50 000 dollars ça c'est très agaçant quand même, parce que sur les tournois Pokémon t'es obligé d'avoir des vraies cartes, sauf que tu peux plus avoir de vraies cartes puisque tout le monde se gave en... Ah oui, donc ça a tué les tournois Pokémon, tu penses? Les NFT, ouais, c'est fini d'ailleurs, apparemment les NFT là c'est en train de... J'ai l'impression que chaque jour on nous dit c'est fini. Jacques, il en a vendu à 600 balles un truc. N'hésitez pas à me réintégrer à la conversation. Les NFT, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas ce que c'est. Bah voilà, bah c'est... Non mais moi je trouve ça intéressant ce que tu dis sur les cartes Pokémon. Moi j'ai trouvé ça très intéressant sur le... Parce que c'est vrai que du coup les gens peuvent plus jouer. Parce qu'en plus il y a ce truc de micro-rayures qui n'existe pas. C'est pas des vraies rayures en fait. Bah c'est... si, mais elles sont vraiment très petites. elles sont macro. C'est ultra fake pour moi. Macro-rayures. C'est surtout, il y a encore des gosses qui jouent avec des cartes Pokémon. Enfin je veux dire, c'est quand même encore des du jouet quoi. Même. Ouais. Oui, mais c'est... Ouais, bah, ah, il va ça m'énerve. Ça m'énerve. Il sort de ses gonds. Moi je trouve ça super qu'on soit encore une génération qui arrive à jouer avec les mêmes jouets que nos enfants, qu'on ait des licences qui existent depuis 40 ans. Je trouve ça hyper bien parce que ça crée un truc. Ouais. Parce que t'es censé le partager. Ouais, ouais. Et en fait, à partir du moment où tu utilises ton pouvoir d'achat pour en faire quelque chose de strictement exclusif et réservé aux adultes, je trouve ça plus du tout intéressant ni même pertinent ouais, d'être dans cette ludocratie qui peut avoir de beaux aspects malgré tout. Ouais, mais alors, déjà, on est sur un podcast très sérieux. Hein. Mais j'adore. Pardon, j'adore. C'est bien de rééquilibrer. On a quand même parlé de spermer dans un mug. C'est vrai. Mais quand tu joues avec tes gosses, tu joues avec des photocopes, tu t'en fous. Exactement, quoi. Oui, tout donc, à fait. Ce que je parle, c'est sur les tournois officiels, sur les choses comme ça. Où, voilà, vraiment. Mais il y avait le même problème avec les cartes Magic, le même problème avec tout un tas de choses comme ça. Moi, j'ai toujours eu du mal avec la spéculation sur le jouet en général. Et déjà petit, ça m'exaspérait parce que j'avais pas accès à certains jeux vidéo ou même à certaines bandes dessinées. En fait, je déteste la spéculation sur les objets culturels et surtout de culture populaire. C'est quelque chose qui m'énerve énormément puisque c'est ça qui mène au piratage, c'est ça qui mène à tout un tas de choses sur lesquelles on va taper, alors que le principal problème c'est de pas avoir accès à la culture. Je trouve c'est ça. Vrai. Bah, alors là. Ce que je voulais dire, c'est fou. Je suis d'accord avec un truc dont je me posais aucune question avant. Non, mais du coup, c'est vrai. Je suis très. Tu as mis des mots sur un truc que je pensais sans le savoir que je le pensais. Ouais. Tes trucs à 500 balles de tournage de film là. Pardon. Là, mon pote est dedans, en plein dedans, mon pote. Ah oui, ça, je l'ai payé 150 balles. Mais ça, c'est de la collection. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'était juste pour. Pour me chier dessus. Mais pas du tout. Alors pour ceux qui sont encore avec nous, rassurez-vous, un homme a porté plainte contre Gwyneth Paltrow. Non, parce que c'est, là on va baisser d'un cran. C'est ça que je veux dire. On va rebaisser d'un cran bien. Oui, bah c'est les œufs dans la chatte là. Un homme. Alors, non mais c'est ça. Fin... Une petite seconde. J'y viens. Rien. Un homme a porté plainte contre Gwyneth Paltrow. À votre avis, pour quel motif? Que ce qu'elle a dit Adrien là. Déjà, il lui a demandé de l'argent, mais pas trop. Elle a dit pas trop. Pas trop. Ouais. Super, ça, c'est excellent. Ça, ouais. Ouais. Je mets des billes moi là-dessus. Mais c'est parce que Gwyneth Paltrow, elle fait des produits d'hygiène intime, c'est ça? Ouais, alors, c'est pas de l'hygiène intime. Non, c'est pas de l'hygiène la intime. La sauge. Mais c'est lié à l'intimité. C'est lié à l'intimité, mais c'est pas de l'hygiène intime. C'est les œufs là? Non, c'est pas des œufs. C'est pas ces œufs. Attends, je crois que je me souviens. Mais c'est lié avec la chatte. Il n'y a pas un délire comme quoi, à un moment donné, elle voulait qu'on se mette un pamplemousse dans la yacht afin de. Afin de faire du tropico. Un pamplemousse, faut y aller quand même. Enfin. À moins que ce soit un peu plus. Bah, je sais pas. Peut-être qu'elle s'est pas rééduquée, je ne sais pas. c'est pas son très parfum. Très mal élevé, Périnée. Son parfum odeur cyprine, là. Ah, alors, ah oui. Alors, bon, c'est pas vraiment ça. C'est lié à. Une bougie à sa bougie qui est en odeur de vagin, de goût. Ah oui, et le mec a dit j'ai fait analyser, il n'y a même pas de la vraie cyprine dedans. C'est ça ou pas? C'est le mec de Coldplay qui a dit bon, c'est dans mes souvenirs. Pas du tout, c'était cette odeur. Non, c'est pas cette réponse. C'est en rapport avec cette bougie. C'est en rapport avec la bougie de Gwyneth Paltrow, qui est une bougie que tu peux acheter, qui sent comme son vagin. Qui sentirait comme son vagin. Et donc, le mec, pardon, vas-y. Les bénéfices vont quelque part. Gwyneth Paltrow. Pour acheter des cartes Pokémon. Spécule. 17 bougies de machat, Dracofeu. Le mec l'a acheté la bougie. Le mec a acheté la bougie. Alors il a dit, bah ça sent pas ça. Ou alors il a dit, ça, c'est honteux, mais ça sent exactement la chatte de ma daronne. Waouh, il y a beaucoup de problèmes. Les implications de cette phrase. Et en fait, ce qui veut dire que sa daronne était Gwyneth Paltrow. Et c'est un conte de Noël. Non, mais non, c'est pas ça. Il a volé, elle aurait volé. Non, est-ce c'est que pas ça. Il l'a mis dans le. Quelque dans le part cul. Non, il s'est pas mis la. Non, il a juste pas apprécié le produit. Non, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est plus vénère que ça, pardon. Attends, est-ce que sa femme. Pensez à l'objet, c'est l'objet. Sa femme l'a trouvé et elle lui a dit tu me trompes avec. Gwyneth Paltrow. Sous prétexte. Quoi. Ou alors, attends, tu te baignes dans l'odeur de Gwyneth Paltrow. Non, ou alors sa femme, elle a dit attends, mon gars, ça sent la chatte de ouf. Qu'est-ce que t'as fait? Il a fait ouais, voilà, c'est une bougie. Elle a dit ouais, bougie attends, sans chatte, n'importe quoi. Comme par exemple, un truc qui disparaît. Bon, n'importe quoi. Non, alors, c'est, la réponse est moins bien que ça, malheureusement. Vas-y, tu nous dis. Il l'a mangé. Non, je vais vous dire la réponse. Ça l'excite. La bougie. À odeur de vagin de Gwyneth Paltrow a explosé. Ah, c'est voilà. Impossible. Il l'a mise au micro-ondes. Colby Watson affirme avoir allumé la bougie à odeur de vagin de Gwyneth Paltrow. La marque s'appelle This Smells Like My Vagina. Ah, en février, trouvé. Elle a explosé avant de l'enflammer. Bien descriptif. Oui, bah oui. S'il reconnaît avoir laissé brûler la bougie plus longtemps que les recommandations de la marque, il réclame 5 millions d'euros pour lui et tous ceux qui, malgré eux, ont acheté des bougies parfumées au vagin qui étaient défectueuses et dangereuses. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient en effet avec ses bougies. Une Britannique a déclaré en janvier dernier que sa bougie au parfum du vagin de Gwyneth Paltrow avait explosé. Bah, depuis quand les bougies explosent quand on les utilise trop longtemps? Bah, si ouais, c'est à l'odeur de vagin, peut-être. Non, oui, c'est ça. C'est, ça. C'est le verre qui a explosé. Parce que... Ça a fait exploser. Hein, Mais ouais. Ça a fait une grosse explosion dangereuse. Ça a mis des bris de verre partout dans la. Parce que 5 c'est pas millions d'euros. Ouais. Mais enfin, le verre s'est fendu, quoi. Oui, c'est ça, c'est le changement de température. Genre, ça m'est arrivé avec une bougie qui sentait pas le vagin. Le vagin de Madeleine Niçoise, une autre marque. Waouh, je l'avais oublié. Tu me l'as remis. Waouh. Donc voilà. La marque a répondu que bien sûr ils essayaient de faire de l'argent sur Gwyneth Paltrow et que évidemment bien sûr c'était faux. Voilà, bah Gwyneth Paltrow essaye elle-même de faire de l'argent sur Gwyneth Paltrow. C'est vrai. C'est vrai. Mais elle a le droit. Elle a le droit. Elle dispose. Elle nous fait chier. C'est comme l'autre qui voulait guérir le cancer avec des framboises là, qui est mort d'un cancer. Servan-Schreiber. Non, je connais pas cette histoire. Vous souvenez pas? Le nom Servan Schreiber. Tu te souviens? Voilà, le nom. Mais non, mais le nom Servan Schreiber. Non, vous l'avez pas? Je me souviens pas du tout. Rien, il était allé à il était allé à nulle part ailleurs Boutros, à l'époque. Boutros-Ghali. Ouais, super ça. Pardon. Ça c'est super pardon, ça. Je te parasite, excuse-moi. J'adore Boutros-Ghali. Bah oui, mais c'est le meilleur nom. Enfin, je l'ai bon bref. Le nom. Puis il était allé, il avait dit oui, mais non, mais le cancer ça se guérit avec des framboises, faut juste bien manger et tout nanani. Bah moi ça me fait pareil avec et, elle. Et ça avait marché. Il est mort d'un cancer. Là faut que vous sachiez que souvent je fais des recherches pour le Floodcast, pour les anecdotes, enfin hein, pour les histoires d'actu bizarres. C'est sourcé. Et une fois sur deux, c'est un gars anti-vax, anti-masque et anti-Covid est mort du Covid. Enfin voilà, une fois sur deux. Ça fait plaisir. Il y a une petite victoire de la vie. Ah, désolé. Et d'ailleurs en parlant de bougies à l'odeur de vagin, on va lancer un merch Floodcast. Faut le dire. c'est notre sperme en huile essentielle, tu vois, que tu laisses sur le. Bah, j'achète. Tu sais qu'il y a des trucs aussi qui existent, c'est des sextoys basés sur des gens connus. Vous pourriez acheter des pensards, par exemple. Des pensards, mais bah, pas oui. Que, ouais. Ah, mais, pas que. Je crois que c'est le groupe Rammstein qui avait fait bah, ça. Bah, Ducret, il y a un. Mireille Mathieu aussi. Ah, la chatte à Mireille. Ah, ah bah, elle est délicieuse. Malheureusement. Le titre de cet épisode. Non, vous pourriez acheter des trucs comme ça ou pas du tout? Sextoy. Ou le vendre non. Même. Ah, vendre, ouais. De ouf. Moi, si je peux me faire de l'oseille facilement, bah, je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'oseille. Je suis pas sûr d'en vendre beaucoup, moi. Ouais, moi non plus. Juste. Ah, t'as une belle bite quand même. Non, mais en bougie. Mais il y a que les personnes qui l'ont vu qui peuvent le savoir. Vos bites en bougie. Genre, c'est moulé sur vos bites, mais c'est, ça fait une bougie. C'est sympa. Non, mais j'aime sympa. Ça dépend de l'association. Mais pas pour mes bénéfices personnels. Je trouve ça vraiment étrange. Oui, pour une asso, c'est assez chouette. Moi, c'est les restos. C'est les restos carrément, ouais. Bah, plutôt que d'aller chanter comme un cul en vendant des places trop chères. Déguisé en marin. Faut arrêter ça d'ailleurs de dire acheter l'album, donner aux associations. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas obligé d'acheter l'album. Hein. Déjà, on peut donner le montant de l'album d'ailleurs. C'est ça. En plus, il y a Spotify. Donc. À part sa raison d'être avec Angoon, c'est vrai que j'aurais pas l'idée d'acheter un album. Vous vous souvenez? Oui, mais c'est ça. Ouais, non, puis maintenant ça n'a plus aucun sens parce que je sais que le lendemain de la diffusion de TF1, ils vendent le DVD maintenant. Mais maintenant t'as le replay, t'as tout, donc ça n'a aucun intérêt. On peut donner sans acheter. Exactement. Donner, Dieu vous le rendra. Super ça. Restez sur ça. La compète, ça existe dans tout et Al-Qaïda a piraté les ordis de Daesh et a diffusé des choses compromettantes. À votre avis, quoi? Les mecs de Daesh en train de boire de l'alcool? Non. En train de manger. En train de regarder des. Non, pas en train un de regarder des séries américaines. Pas lié à la. Pas lié à leur religion. Ah. Non. Ah. Non. Attends, c'est les mecs de Daesh qui ont fait chier Al-Qaïda. Al-Qaïda. Je pense un peu vexé d'être dépassé par la nouvelle génération. C'est clair. C'est un peu. Squeezie Michou, j'ai l'impression. C'est Al-Qaïda qui a piraté les ordis de Daesh pour diffuser des choses. Et ils ont diffusé des trucs qu'ils ont trouvés sur les ordis de Daesh. Sur les ordis. Et ils ont posté le hashtag Al-Qaïda First. Ah, j'ai envie que ce soit le titre aussi. Non, on veut un peu de pub quand même. On veut de la pub, c'est vrai, on veut de la pub, pardon. Ils ont dit que, en fait. Est-ce que c'est sexuel? C'est pas sexuel du tout. Ils ont dit qu'ils avaient encore des MySpace? Non, mais c'est des. Et qu'ils ont Tom en ami. C'est des images d'eux? Des images? C'est des vidéos. Ils ont un concours de. Un Pictionary avec le prophète. Un concours de caricature. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Des défis TikTok. Hein, pas des défis TikTok. Donc ça veut dire que les. Genre, c'est la honte. Des vidéos que des mecs de Daesh avaient sur leur disque dur. Exactement. Ou leur téléphone, quoi. Ouais. La réponse est un peu marrante. Hein. Des trucs qu'on. Ouais, en train de faire du karaoké. Non. C'est des vidéos d'eux-mêmes. C'est des vidéos d'eux-mêmes. En train de faire des trucs. En train de s'embrasser. Oh, non. J'ai de la bouteille. Non. En train de faire une activité récréative. Un twister. Non, pas du tout. En train de bronzer du trou de balle. Imaginez quand même que c'est dans des. Ils se filment dans un truc précis. Une caverne. Ah, ils font un ventroglisse. Non. Ventroglisse. Ils répètent leur communiqué. Non, mais tu t'approches. Un bêtisier. Un dévocalise. Non, mais non. C'est un bêtisier de soi. C'est pas vrai. Alors bon, oui. Mais c'est oui excellent. Non, parce qu'il y avait un sketch comme ça. Dans Family Guy, il l'avait fait aussi. Il y avait un sketch de le bêtisier de Daesh. C'est le bêtisier de Daesh. En fait, c'est une vidéo. C'est une vidéo dans laquelle un combattant de l'État islamique tente de prêter serment d'allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi. Voilà. On l'a très bien dit. Mais il est constamment interrompu par un oiseau. Et donc, je pense que la vidéo est très rigolote. C'est trop beau. Je veux trop la voir. Où il essaie de faire son communiqué, sauf qu'à chaque fois, il y a l'oiseau qui passe ou qui crie, qui l'embête. Et donc, il s'énerve contre l'oiseau et donc le caméraman lui dit de se calmer. Donc, c'est un peu le bêtisier de Daesh et donc ils ont diffusé cette vidéo. C'est un très bon gag. Tout simplement. C'est mignon. Moi, j'aime bien. Le dernier, et ensuite on passera aux questions que les auditeurs se posent. Quand j'ai dit que vous étiez là, ils ont plein de questions à vous poser. La Corée du Nord a adopté une loi afin d'interdire aux habitants d'avoir un certain look. À votre avis, quel look a été celui banni? Celui de Kim Jong-un. Sa coupe, la même coupe que lui. Non. Enfin, j'imagine que oui, mais c'est pas le dernier truc qui a été adopté. Est-ce que c'est un look? Non, alors, non, pas les baggies, mais on est sur une coupe de jeans. Pantalon. Ah, et slim. Les jeans skinny. Skinny. C'est les jeans skinny. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Bah, les crop tops. Non. Alors, encore une fois, je parle de ce qui a été banni récemment, parce que peut-être que tout ce que vous dites a été banni. Putain, les yoga pants, quoi. Non, tu sais, tu vois, des leggings, quoi. Oui, non, c'est pas ça. Un autre type de pantalon. Pensez plus les pantalons. Les pantalons, c'est les jeans skinny. Là, on peut partir plus loin. Des bardeurs. Look global, je parle de. Bah, pas le droit d'avoir le crâne rasé. Les chapeaux comme Yodelis. J'ai adoré. Donc, c'est pas une histoire de crâne rasé, mais il y a une coupe de cheveux. Mais les cheveux longs pour les hommes. Le mulet a été interdit en Corée du Nord. Et un dernier truc. Tu peux plus rien faire. Je commence à me dire que je vais pas y aller dans ce pays. Et autre chose qui est plus sur le visage. Boucle d'oreille. Piercing. Bah là-bas. Piercing, mais quel genre de piercing? Le nez, le septum. L'arcade. Non. Les oreilles. Fire. La langue. La lèvre. La lèvre. Putain, j'ai toutes les réponses. Eh, mais c'est dingue. Je dis au hasard. Tu l'as en toi. Et après, skinny, c'est pas toi qui l'as dit. Non, c'est vrai. J'en ai dit deux. Pas toutes. J'ai gagné. Selon le dictionnaire, il s'agirait des symboles de la décadence du monde occidental. Et donc, voilà, l'histoire nous enseigne une leçon cruciale, qu'un pays peut devenir vulnérable et finalement s'effondrer comme un mur. Non, mais il a raison. Il devrait interdire ça et la sa symphonie de Mozart, l'opéra rock. Évidemment. Qui peut bien se marrer là-haut. Est-ce que je peux faire ta transition à ta place, Flo? Bien sûr. Et vous avez eu des looks qui vous ont posé des problèmes dans votre passé? Ils se foutent ta gueule. Sinon, je mets mes mains en vase et tu chies dedans directement. Attends, elle est bien ou pas? Oui, avec tes trolls et tes conneries là. Ça va, moi je suis un troll d'internet, j'adore les mèmes. Attends. Et bah, bonne question, mine de rien. T'allais pas faire ça? Bon, non, il allait passer à Curious Cat. Tu bailles, t'es en train de bailler. Non, parce que j'ai pris un prazépam hier. Ah, sympa. Ah, bah voilà, non, ça te met un coup. Hein. Toi, t'as eu t'as fait des trucs grunge, toi. Moi, j'étais des trucs grunge. J'avais des peignoirs à la con. Des peignoirs. Non, mais j'ai récupéré des vieux. Des trucs comme ça, des peignoirs où ils sortaient. Ouais, un peu. Big Lebowski et tout. Ah, ouais. Moi, j'ai récupéré un moment des vieux pulls à mes parents. Ah, et vraiment à fond, années 70-80, qui étaient tous beaucoup trop grands, avec des coloris problématiques. Et donc, sur les photos de classe. Des coloris racistes. Maintenant, sexistes et tout. Sur les photos de classe, bon, ça m'a pas posé de problème sur le moment. Mais maintenant, j'ai Philippe un peu. Catherine. Pas loin, ouais, franchement, pas loin. Sophie Marie, des looks un petit peu problématiques. Oui, t'es passé par plusieurs fois. Je sais, mais c'est pour les auditeurs, pour présenter un peu ton petit univers à nos auditeurs. Alors, comme de racines. Il y a eu le moment où je mettais des tailleurs beige La City en troisième, parce que je regardais. Comment ça s'appelle Allemagne. Non, enfin aussi, mais genre Newport Beach. Melrose Place. Ah, ouais. Voilà. Après, il y a eu aussi beaucoup de jogging dans les chaussettes, tout rose, Clarks rose, jogging rose, chaussettes rose, crop rose, grandes créoles et un signe chinois tatoué sur la joue. Ah, comme Seb. Comme Seb. On est les filaments d'une seule et même personne. Puis voilà, des petits machins comme ça, tu vois. Oui, voilà. Bon, j'en ai déjà parlé. Je suis allée chercher mon bac en tailleur blanc avec un borsalino. T'en as parlé dans ton podcast. C'est possible. Voilà, bientôt de te revoir. Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Ah bah ouais, moi j'aime bien faire de la radio à l'ancienne. Adrien, t'avais quoi comme look quand t'étais plus jeune? T'es passé par des trucs un peu... J'ai eu une photo d'ailleurs. Bah j'étais Ardos. J'avais une coupe qui est interdite en Corée du Nord, du coup. Moi aussi, je l'ai eu en CM2. Ouais, moi j'avais une frange devant et une nuque longue derrière. Donc alors que moi j'avais brosse et long derrière comme Chris, ouais, parce que mon idole c'était Chris Waddle. Mais en vrai, si tu dois avoir un mulet, c'est ce qu'il faut faire. C'est quoi. Le Waddle mulet. Faut faire all-in quoi. Ouais. J'ai la brosse. Et... Moi j'étais en transition, tu vois, j'avais 11 ans. Donc j'avais toujours ma frange d'enfant, mais avec la nuque longue derrière. Rassure-moi, il y avait une armée de sébum qui vivait sous cette frange, non? Et ben non, j'ai pas eu tant de problèmes de. Non, mais souvent sous sébum. Les cheveux qui sont sur le front, derrière, c'est une. J'avais bien compris. Non, non, mais non pas, pas tant. Mais après, j'étais vraiment un enfant. Puis oui. Je me suis développé très tard aussi. Donc j'avais encore une peau de bébé à 11 ans. Peau de pêche. Et non, je me suis fait un look une fois où c'était plein de petits picots. C'est-à-dire que j'avais pris mes cheveux. Je crois que j'ai vu la photo. J'ai une photo. Voilà, elle est horrible. Elle est horrible. On dirait un fan d'Offspring. Bon, alors t'aimais même pas en plus. Mais même pas, j'écoutais peu de musique. non, c'était ridicule. J'ai une. Alors, j'ai mon point appropriation culturelle du coup, puisque j'ai eu une période, ce qu'on appelait les pantalons africains dans les années 90. Ah oui. Qui étaient des pantalons un peu baggy avec des motifs qui se voulaient africains. Ah oui, bien sûr. J'ai eu une, Johnny Clegg, un peu. J'ai une petite période comme ça. Ouais. Un peu Johnny Clegg. C'était ironique ou c'était premier degré ? C'était premier degré. À l'époque, c'était. Il n'y avait pas d'ironie. Non, pas forcément. Non, c'était purement raciste. Non, non, bah, c'était. Je sais pas. Non, après, c'était. Il trouvait ça relax. Et non, mais c'était un peu. Il y a eu une mode à un moment de ces pantalons-là. Oh, Sophie Marie, elle baille dans le micro depuis une demi-heure. Dis donc, prends donc un coquin là, faut remettre des, on remet des piles. Hein. Pardon, c'est pour rire. Donc voilà, mais bon, il y a eu ça. Non, sinon, voilà, pas de. Pas mal déjà. Sébastien ? Oui. Non, moi, j'ai ma première surprise partie, j'y suis allé beaucoup trop tard, tout le monde était déjà habillé normalement. François, le mec. C'est ma voix. Déjà, c'est ma voix. Le mot surprise partie. J'y allais trop tard parce que ça s'est fini en 65 et toi en 92, t'y allais quoi. Non, alors écoute, c'est fou parce que. Ah non, t'as pas tapé dans la. Moi, je gâchais sur Nicole Croisy, normal. Avec mon pas de SLC, salut les copains. Bon, ouais, je mets mon pelle à tarte. Les yéyés, quelle époque. Et non, et donc j'y vais, ma mère était toute émouvante. Moustillé parce que j'allais à ma première surprise, enfin ma première boum. Elle venait d'avoir le droit de vote. Et tout le monde était habillé genre en sweat parce que ça sert à transpirer, hein, donc bien c'est sûr. Un sweat. Et fila et tout machin. Et moi, elle m'avait habillé vraiment comme un garçon de café du café de fleurs, quoi. Donc, un truc sans chemise manche, blanche. Et un nœud papillon. Oh merde. Et des chaussures reluisantes tout le monde déteste. Et donc, je suis arrivé avec un cadeau en plus. Alors, personne n'avait de cadeau, tout le monde était bien trop cool pour ça. Je suis arrivé et vraiment, le choc, quoi. Tout le monde était habillé absolument normalement et plutôt cool. Et moi, j'étais vraiment trop mal habillé. Donc, au début, alors que c'est horrible. Non, mais. C'est affreux. Non, et c'était affreux. Et alors, jusqu'au moment. Alors, ça a été affreux pendant toute l'après-midi, parce que c'était l'après-midi. Genre, hé, sympa le nœud. Toutes les vannes sont à chier en plus. Il n'y a pas une seule vanne super cool. C'est juste, hé, t'es un con, toi. Ouais. Il n'y a pas de vanne. Pas tant que ça. Enfin, bref, la partie est nulle. Tout est vaseux. J'ai quand même 17 en français. T'es Charlot ? Même pas. Ben non, sinon j'aurais peut-être une canne. En plus, le pire, c'est quand tu réponds en essayant de faire. T'essayes, ouais, rien qui marche. Je pouvais même pas danser, les chaussures étaient toutes neuves donc elles glissaient sur le carrelage, etc. De toute façon, tant que t'es pas cool, tu peux rien faire. Tu peux faire ce que tu veux, tu y arriveras. Mais. Non, parce que. Non, j'avais pas 28 ans, j'avais 11 ans. Et donc, non, et quand même, à la fin de la soirée, et ben, au début de la soirée, du coup, et ben, on s'est retrouvés dans la chambre à 3, 4, 5. Et là, j'ai pu déployer mon humour ravageur et on a passé une très bonne fin d'après-midi. Ah. On a pu faire des blagues, etc. Et au final, j'ai un très très bon souvenir. Ça démarrait très très mal, mais une bonne partie de rigolade. Un petit stand-up au final. En ne pas plat. Genre, Jerry Seinfeld. Ou alors peut-être que les gens avaient tellement été méchants qu'ils se sont dit non, venez quand même, les gars, on va rattraper le truc, on va rire à tout ce qu'il dit. Quand t'es ado, ça n'arrive jamais. Ça. Non, je crois que c'est un peu sympa avec lui. Non, mais une partie de moi me dit qu'il riait de toi. Et ben ça reste malgré toi un bon souvenir. Repasse-toi la soirée maintenant. Peut-être qu'en fait il riait de toi. Chers amis. Je sens que ça t'a blessé, pardon. Ah non, pas du tout. Non. Oh non, je suis passé. Oh, ouais. Il était dans son monde intérieur. On est connectés de toute façon. Je les connais. La famille, je les connais. Tu nous connais, hein. Faut les laisser un moment, 5 minutes. Puis après, ils reviennent en rigolant. Et ils te racontent la blague qu'ils étaient en train de se faire dans leur tête. Chers amis, les auditeurs, je les ai. Il t'a vraiment méprisé là, clairement. Moi, j'ai annoncé... toi, oui. Bah, bon, oui. Écoutez, s'il vous plaît. T'es dans la lune. Chut. L'amour du Stif. Ah, voilà, merci. Donc, les auditeurs, effectivement, ont eu des questions à vous poser quand j'ai annoncé votre venue. Donc, ils ont des questions pour plusieurs personnes autour de la table. SML, j'ai adoré le podcast. Pas tout le monde. C'est horrible. Comment ? J'ai rien dit. J'ai adoré le podcast On est chez nous. Merci beaucoup. D'accord. Je me demandais comment tu faisais pour trouver les personnes que tu enregistres. Comment tu les. Tout le monde te posait la question, c'est ça ? Non. Bah, si. T'inquiète, on va me demander quand est-ce que je monte sur scène, moi, après. Non, j'ai aucune question pour toi. Pour moi. Ah ouais. Je me doute bien. C'est beaucoup Anaïs qui est la productrice de cette facette qu'on embrasse qui fait de la veille informationnelle. En tout cas pour la deuxième saison, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en effet, la question est souvent posée. Bah oui, mais c'est vrai que c'est, tu te dis comment parce qu'il y a des personnalités fantasques. Mais t'écoutes même pas le podcast. Alors là, il y a pas Spotify, il y a pas Spotify, le pauvre. Il y a pas de casque chez lui. Ouais. Bon. J'en ai écouté, figure-toi. Bon, je vais jouer dans une tasse, c'est bon. Vous m'avez saoulé. C'est quoi ? Est-ce un ongle au bout de la beute ou quoi ? J'ai une tasse. Bon, ah. Son sexe est un doigt de sorcière. Un doigt de sorcière. Lucien, oui. Il y a des rumeurs à propos d'un GN. J'ai pas du tout googlisé GN. Jeu de rôle grandeur nature. Oui, bien sûr, bah du coup, voilà. Sur la bonne auberge, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Seras-tu un PNJ ? What? PNJ, un personnage non joueur. Non, je sais, mais top. Alors, il y a des rumeurs sur. Ouais. En fait, c'est un truc qu'on aimerait bien faire. Parce que c'est quelque chose que tu fais, que tu as fait pas mal. Bah, je pratique, ouais. J'aime bien, ça fait partie de mes hobbies. Tu peux en parler un petit peu aux gens, juste sans. Ouais. En fait, si vous voyez ce que c'est du jeu de rôle, donc on incarne des personnages dans une histoire fictionnelle, souvent avec du fantastique ou alors dans le futur ou je sais pas quoi, des chevaliers, des dragons, machin. Et donc souvent on fait ça autour d'une table avec des feuilles et des dés, etc. Comme dans La Bonne Auberge par exemple, que vous pouvez voir avec... Sur Twitch et sur YouTube, le bon merde. Ouais, merci. J'allais dire demain, mais ce sera trop tard. Ouais, ce sera... Hier. Il y a les replays. Il y a lâché des subs. et des bits. Et des bits. Et donc on peut faire ça, la base c'est autour d'une table entre amis, et il y a la version grandeur nature où là on incarne physiquement les personnages. Et donc c'est en général sur plutôt un week-end. Et avec beaucoup plus de gens, et donc voilà, c'est cool. Donc on aimerait bien faire un GN, un jeu de rôle grandeur nature de La Bonne Auberge, mais là avec le Covid et tout ça, organiser des événements d'envergure, c'est un peu dur, c'est un peu chiant. Et puis monter un budget, parce que moi j'aimerais bien faire ça un peu professionnellement, parce que c'est souvent associatif, en tout cas en France. Et moi j'aimerais bien faire un truc avec un vrai budget décor, un vrai budget costume, un vrai budget acteur et actrice pour être des PNJ justement, des personnages non joueurs. Et si je fais ça, je le ferai plus que être juste un PNJ. Je serai, je pense, l'auteur de la trame principale, etc., etc. Ce que tu fais d'ailleurs dans La Bonne Auberge, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du décor, il y a du... Enfin, voilà, c'est... L'idée, moi, c'est ce que j'aime bien, enfin, ce que je tente de faire, c'est de donner un côté très propre et très beau. Ouais, puis immersif, du coup, je trouve. Enfin, je trouve que ça favorise l'immersion. Ouais, complètement. Et donc, plus immersif à ce loisir-là, pour que ce soit agréable à regarder... Un véritable show. Yes. Question pour Sébastien Chassagne et Adrien Méniel. Oh, j'ai adoré votre performance respective dans Fantasme. Est-ce que Fantasme ne traite que de l'expérience d'Éléonore, ou est-ce que ça fait écho à des choses que vous avez vous-même vécues ? Autrement dit, avez-vous mis un peu de vous dans ces personnages ? C'est une bonne question. Mais plus largement, la personne dit, quand elle résume sa question, en fait, elle en pose une autre. Avez-vous mis un peu de vous dans les personnages ? Que toi, toujours un peu, j'imagine, quoi. Par exemple, Adrien, c'est vrai que c'est le genre de personnage qu'on te voit moins jouer. Oui. Mais moi, Éléonore m'a dit que le personnage, elle l'avait écrit en pensant à moi. Donc, du coup, oui, il y a un peu de moi dans le sens où j'ai pas eu à me mettre dans la peau ou à jouer. Enfin, c'était pas un gros rôle de composition, quoi. Après, dans l'attitude du mec. Je veux dire son comportement, bah ouais. j'aurais pas forcément réagi comme le gars, c'est à dire que moi tu vois, le mec se fait envoyer chier par la meuf, manifeste clairement son envie de ne pas le voir, je serais pas revenu, je pense. D'ailleurs tu l'aurais percuté en vélo, tu aurais fui. pas tant parce que j'aurais été vexé, plus que écoute, c'est là pour envie de me voir, je vais pas revenir. Mais t'es en train de cancel ton propre court métrage. Non, mais c'est pas fou. De quoi ? Je vois un fou. De quoi ? Un fou ? Je suis pas psychophobe. Ouais, je trouve. Quelqu'un d'autre que je vais cancel. J'allais. Oh, le canceleur ! Regardez. Jack cancel. Le Jack. Allez, c'est raté. Chancel. Oui, mais. Oui. Je disais Jack Chancel, c'était. Il y avait même plus le mot. Je propose qu'on passe à Sébastien. Laissez-moi parler. Tu parles trop fort. On va passer à Sébastien. Moi, j'aime bien comme tu joues. En tout cas, je passerai à l'analyse du jeu de Sébastien après qu'il ait répondu. Mais j'aime bien son jeu qui est très intérieur à Adrien dans Fantasme. Tout à fait. Oui, merci. Moi aussi, je te retrouve très très bien dans Fantasme. Et tu dis que c'est pas un rôle de composition, mais au final, c'est un des trucs les plus durs à faire. Moi, je trouve, c'est d'être au plus simple, d'être le plus crédible, c'est imiter le réel entre guillemets. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Moi, je te trouve vraiment très très très très bien là-dedans. Merci. Dans chaque podcast, tu me fais un compliment sur mon jeu. C'est vrai, mais parce que je le pense très sincèrement. Non, mais ça me fait plaisir. Voilà. Je te trouve très très bon acteur. Enfin, on est connecté. On est très connecté, mais je dis pas. Merci beaucoup. Je dis pas à tout le monde. Je dis pas à Flaubert. Ouais, moi jamais. J'allais dire trois fois pendant qu'on se voit, mais. Si. Ouais. Non plus d'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui tombe depuis bien tout à l'heure. Bien sûr, pardon. Laissez-le. J'ai mis mes mains en urne pour ouais, récupérer les boyards. Je regarde même à mes pieds et voilà. Tout, y a rien. Bon, allez. Non, pardon, mais t'as le droit de. Comme ça pour mettre les pièces. T'as le droit de me préférer. Comme dans Fort Boyard, je te porte. Je te porte et on essaye d'avoir les pièces. Y a rien. Ça dépend de l'association. Toujours. Donc oui, toi, par rapport à ton personnage. Oui, moi j'ai mis beaucoup de moi dedans, plus qu'Adrien, parce que c'est déjà une histoire sur laquelle moi je me reconnaissais. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais oui. Donc c'est déjà la différence notable. Et en plus, Eleonore, elle avait cette façon de bosser très agréable, qui est qu'on pouvait discuter des répliques, discuter de plein de choses, et donc mettre un peu de soi dedans. Et moi j'ai beaucoup aimé ce court-métrage, parce que ça m'a permis de bosser comme j'aime, c'est-à-dire en discutant avec l'autrice directement, et en lui disant, tiens, est-ce qu'on pourrait pas mettre des petites pincées de trucs qui me sont vraiment arrivée dedans, elle était toute ouverte à ses propositions et c'était effectivement très agréable. C'est comme ça que moi j'aime travailler. Mais c'est marrant parce qu'en tant qu'auteur, moi pareil, c'est comme ça que j'aime travailler. Enfin, je trouve ça trop bizarre d'imposer un peu tes répliques. C'est vraiment. C'est moins excitant, même en tant qu'auteur, c'est tellement excitant d'avoir un comédien qui te dit. Bah moi je pensais assis, je voyais ça comme ouais, ça. Ouais. Enfin, t'arrives à un truc plus naturel. Mais en fait, à chaque fois que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à chaque fois que j'ai un ou une réal qui me dit non, mais c'est au mot près, j'ai envie de dire, bah franchement, ouvre le jean et branle-toi direct quand je parle. Ou fais un dessin animé, moi, tu fais toutes les voix dedans. Voilà, c'est ça. Non, mais ça, alors... la mécanique, enfin, tu peux être intéressé à une mécanique, parce que c'est vrai que. Moi quand j'écris des dialogues et tout, ils sont pensés sur plusieurs versions, donc il y a quand même des trucs où tu te dis putain, je crois vraiment que ça marche. Mais c'est vrai que par exemple, moi quand je réalise des trucs que j'écris, par exemple, il y a toujours une prise où on fait pas. Enfin, comment dire. Ouais, au moins si une. Tu fais tout le temps ton truc, je trouve ça bizarre, mais moi quand même. Ça dépend du style en vrai. C'est des gens qui écrivent très très bien. Oui, c'est vrai. Moi j'écris pas ouf. je sais que Bertrand Blier par exemple. Oui, mais là. Tu vois, quand le texte, il y a une musique dedans, surtout dans la comédie et tout ça, quand il y a une rythmique qui est dans le texte et un lexique et une façon de parler qui est hyper propre. Je t'entends, Lucien. Et puis Bertrand Blier, il cherche pas le naturel pour moi. C'est ça aussi le truc. C'est vrai que moi, dans ce que. Par exemple, je me prends moi comme exemple, mais de ce que j'écris, j'essaie de faire de la comédie un peu où on croit à ce qu'il se dit. C'est pour ça que je pense que j'aime bien faire ça. Mais vous, Blier, par exemple, c'est vraiment écrit comme. Comme de la poésie presque parfois. Les mais dialogues. Là, je suis d'accord, mais il faut déjà écrire comme Bertrand Blier pour que. Mais je suis pas loin en vrai. Mais non, mais en plus. Je suis à 3-4 ans. Nous, on a fait un. Rien à voir. On a fait un enregistrement dans un château. Et je me suis renseignée après sur le château. Et il s'avère qu'il y a beaucoup d'occurrences quand tu tapes le nom du château, comme quoi il y aurait un fantôme dans bien le château. Ah, ouais. Et du coup, j'ai demandé à mon réalisateur de checker si dans les waves du son, il n'y avait pas, dans des moments où on disait rien, quand même des trucs. Il a dû bien kiffer ça. C'est vrai que j'ai ça à foutre, il a dû se dire, je pense. Il a lui-même enregistré un truc. Il a fait blablabla. Je suis le fantôme à la caquette tordue. Ouah, l'ancienne. Oh putain. Je suis en CE2 à nouveau. Ouais, vraiment. Et donc, il y avait ou pas? Non. Bon, bah voilà. Ah, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Alors, franchement, là, je tombe des nuls. Après, vous aviez allumé de la sauge juste avant l'enregistrement, donc. Peut-être que ça avait fait fuir les fantômes. Ça avait chassé les esprits. Plein toi, et tes poissons aussi. Quand tu m'appelleras à 2h du matin. Oh, oh j'ai peur. En train de monter un truc de toutes pièces. Comme il y a un mois. Hein, tu rentrais tout seul. Je crois pas. Hein. Oh non, il pleut. Lucien, combien de temps prend la rédaction d'une trame d'un épisode de La Bonne Auberge? Alors déjà, est-ce que tu travailles vraiment par épisode ou est-ce que tu divises Je travaille avec des ça intéresse des gens, d'accord? Donc tu peux répondre très premier degré. Synthétise. Ouais. Je travaille avec des arcs narratifs comme pour une série en fait. Et d'accord. Donc je trace les grandes lignes de cet arc narratif et après au fur et à mesure de la progression de l'équipe, je fais en fonction pour une fois sur l'autre. D'accord. Mais c'est difficile le principe, jeu de rôle. Enfin, en tout cas, de la façon. Non, parce qu'il y a des gens qui écrivent tout à la. C'est un peu rentrer dans les détails, mais il y a deux façons d'être maître du jeu. t'as une manière qu'on appelle railroad, donc comme des un train sur c'est des rails. Tout chousse quoi. Railroad. Mm-hmm. On y va. Mm-hmm. On siffle carrément. À fond les ballons. Ouais, okay. Ouais. Et il y a le deuxième mode qui s'appelle plutôt bac à sable, où en fait tu crées comme un bac à sable et les gens sont libres de s'amuser mm-hmm. de la manière qu'ils veulent dedans en fait. Mm-hmm. Donc moi je suis plutôt de la deuxième école, donc c'est comme ça que. Voilà. Mais après il y a des gens qui écrivent tout et vraiment à la, ils timent les événements, etc. etc. C'est pas mon style, tu fais les gros yeux, SML. Mais et est-ce que t'as changé ? Moi, c'est une vraie question que je me pose, j'y connais vraiment rien du tout en jeu de rôle, ouais. Mais est-ce que, vu que toi, tu proposes cette émission à un public, ouais. Et que tu en avais fait avant en tant que joueur, enfin, comment dire, dans un cercle privé, ou ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que là, du coup, tu adaptes en disant, là, il faut du spectacle parce qu'il y a des viewers ? Ouais, est-ce ouais, que tu... ouais, quand même. Ouais, quand bah, même faut garder de... ça en tête. Bien sûr. Et sur, c'est surtout une question de, aussi de rythmique pendant les épisodes. J'essaie, enfin, après, comme je suis entouré que de gens qui sont plutôt malins et conscients du truc, tout le monde se dit bah ouais on sait que là on va pas s'éterniser sur une scène qui est pas passionnante, oui. C'est bon, on peut passer à la suite, voilà. Trop bien. Sébastien, tu as tourné avec des réalisateurs qui ont une très grande filmo comme Michael Haneke et Hirokazu Koreeda, pardon. Ouais, ça l'a saoulé. Koreeda, Hirokazu. Mais faut arrêter de dire que j'ai tourné avec Michael Haneke, par contre. Non, mais parce que j'ai passé des essais deux fois, une heure pour ça, et c'est au final, je suis arrivé à Douai le premier jour de mes 9 jours, et on m'a dit ah c'est cool que tu sois là. Alors peut-être on va pas tourner ta scène, mais super. Et tu veux rester? Bah oui. Et oui, en fait, j'ai fait. On voit pas du tout. Si, on te voit assis, écouter on du voit violon. Assis et tout, écouter ouais. le violoncelle, ouais. et on voit assis au restaurant. T'as eu 9 jours pour ça ? J'ai eu 9 jours pour ça, et j'ai passé des essais pour ça, et je suis arrivé, et j'étais payé rôle. Donc, payé rôle, si ça vous intéresse, c'est fait 400 bruts, c'est le minimum cinéma. D'accord. Donc, j'étais assez bien payé, tu vois, j'étais content, moi, ça me faisait un bon été. Mais au final, j'ai pas du tout tourné pour Michael Haneke. Okay, il est venu voir HMC, il a fait Woody Allen, voilà, et puis il est reparti, quoi. Ah non, il t'a fait une vanne sur le physique et il s'est barré. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Après, j'ai toi, t'es le Père Noël. Après, j'étais très content. J'étais ravi de voir la scène de la violoncelliste qui dure exactement le temps qu'on voit dans le oui, film. C'est un plan séquence. C'est un tout petit plan séquence de violoncelle, mais c'est pas de la violoncelliste, c'est de la viole de gambe, pardon. C'est une gambiste. J'adore la viole de gambe. Et je suis content que tu l'aies précisé. Et c'est magnifique. Ouais. Mais sinon, c'était 9 jours de figure. Heureusement, j'étais avec des gens charmants, mais sinon, je me serais. Enfin, j'ai pas tourné pour 400 balles par jour. Et j'étais très bien payé pour. C'est beaucoup plus de la figuration. Mais c'est marrant parce que la question en fait est moins sur ton. Mais Koreeda, j'ai adoré. Ça, je peux vous en parler des heures. Bah, c'est ça. Peux-tu nous parler de l'expérience que tu as vécue sur chacun, parce que en plus du travail d'acteur, c'est que tu as pu les voir travailler. En fait. Alors Koreeda, les deux, c'était passionnant. Michael Haneke, ce qui était passionnant, c'est qu'on a vraiment pris le temps. Enfin, je dis on. J'ai quand même. Nous, l'équipe, on a vraiment pris le temps de faire chaque plan. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on fait vraiment le temps du cinéma. C'est-à-dire très peu de secondes utiles par jour, de minutes utiles par jour. Et donc, ce qui est magique, c'est de voir un cadre qui bouge pas et pendant lequel il se passe des choses magiques. La lumière évolue timidement, le perchman se demande où il va se mettre pendant toute la journée, etc. Et c'est assez magique. Et avec Koreeda, ce qui était super, c'était le calme ambiant qui était incroyable. On répétait un peu, on faisait une prise et s'il avait ce qu'il voulait, on passait à autre chose. Il en revanche, faire une prise. Complètement. En revanche, s'il se passait un petit accident, et ben là, il adorait, il voulait reproduire l'accident, il voulait y retourner, il voulait voir. Parce qu'en même temps, c'était un film qui s'appelait La Vérité, qui était inspiré de la vie de Catherine Deneuve. Et c'est quelqu'un qui vient du documentaire Koreeda. Et donc, il cherchait à reproduire des petits éclats de vérité, mais quand il avait ce qu'il voulait raconter, ben on passait très rapidement à autre chose. Et c'est un merveilleux souvenir, puisque j'ai passé les essais avec Koreeda, je lui ai exclusivement parlé de mon expérience à la FNAC. Il voulait absolument que je lui parle de ça. La FNAC Saint-Lazare. Et donc, je lui ai parlé de la FNAC Saint-Lazare, et il était ravi. Et après, il m'a proposé le rôle du réalisateur dedans. Et c'était génial, parce qu'il m'a fait énormément confiance. Il me demandait d'improviser, il m'a proposé de constituer ma fausse équipe technique, puisqu'il y a un film dans le film, donc j'ai mis plein de copains techniciens et techniciennes dedans. Et c'était une expérience vraiment vraiment incroyable. Donc beaucoup d'impro au final. Beaucoup d'impro, des impro avec Catherine Deneuve, etc. Cinéma, hein. Et au final, c'est le roi de l'impro. Il en reste pas, c'est vrai. Après, il en reste pas grand chose de tout ça, mais c'était quand même 10 journées à épiner sur scène, en plus sur des vieux studios de cinéma où il y a encore la loge de Gabin et tout. Enfin, moi, j'ai vraiment passé un moment merveilleux avec Monsieur Koreeda. Très bien. Et tout le monde était à l'aise avec le côté impro, justement. Il y a un côté kiffant de. C'était super. Et puis lui, il a la connerie dans l'œil. Et Deneuve aussi, il a la connerie dans l'œil, tu vois. Donc c'était vraiment marrant. Parce que dans le film, c'est qu'on fait une espèce de film de SF, un peu, on n'est pas certain que ce soit un chef-d'œuvre. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'il joue sur le fil de Deneuve fait un film qui n'a pas l'air ouf, Gudin. Et moi, je joue le réalisateur de ce film, donc je devais me battre un peu contre Ludivine Sagné, contre plein de gens qui n'étaient pas convaincus, Manon Clavel, par ce qui était en train de se dérouler. Et c'était chouette, quoi. C'est un film très chouette qui est sur Canal, je crois, en ce moment, en replay. Très probablement. C'est un film très cool que je vous conseille de regarder. La vérité, ça s'appelle ? La vérité. Si je mens. De non, la vérité, c'est en deux. T'as modifié les identités pour pas qu'on sache de qui tu parles. C'est marrant. Non, c'est bien la vérité. La vérité. Une dernière question. Il existe une version longue qui est beaucoup plus. Il existe une version longue qui est très difficile à trouver, mais je vous la conseille. Si vous farfouillez un peu sur des Blu-ray japonais, vous trouvez une version longue et qui est. Mais qui dure combien de temps ? Parce que le film court est déjà. Le film court, il dure 2 heures maximum. Oui. La version longue dure 3 heures. Mais ah oui, d'accord. Okay. 2 heures, c'est quand même. C'est quand même déjà long. Sophie Marie. Tu as parlé de vouloir Élise Lucet dans Maître de te revoir. Est-ce que plus généralement tu penses inviter des personnalités disons plus politiques? Bien que j'ai adoré l'épisode avec Bruno Hamon, je me demande si tu voulais éviter ce genre d'invité pour ne pas trop servir leur communication. Ma fille, elle a par rapport, je pense à l'actualité, tu vois. Sûr. C'est sûr que j'aimerais bien des gens qui sont pas en train de faire des préélections, d'accord, une pré-campagne. Puis de toute façon, ils viendront pas. La réponse est oui, j'aimerais bien inviter. Clémentine Autain, Mélenchon, j'aurais bien aimé. J'aimerais bien recevoir Marlène Schiappa parce que je pense que comme on est d'accord sur rien, voilà, ça serait marrant. Ça serait la bagarre. Mais ouais, j'adore sa voix. C'est vrai. Ouais. Après, c'est quand même quelqu'un du gouvernement, donc. Ouais. Non, mais justement, une fois qu'elle sera sortie du gouvernement. Donc c'est ça qui est intéressant. Et tu me disais Darmanin hors antenne aussi. Darma chien. Allez. Tu serais pas une gauchiasse, toi. Voilà, écoutez, j'aimerais juste qu'on passe. Je trouve ça méchant pour les chiens. Boum. Non, mais c'est juste. On dit toujours. Non, mais des fois, j'insulte les gens de chiens et après, je me dis, plutôt sympa, les chiens. Bon, j'adore les chiens. Je les caresse. C'est souvent sympa. Non, mais t'insultes de quoi? Parce que moi aussi, j'essaye d'arrêter les insultes oppressantes. Genre, fils non, de ça, pute. Non, moi, ça, j'adore. Mais du coup tu dis quoi? Moi je rapporte beaucoup à la merde. Vieille chiasse, enfin tu vois, ouais, comme ouais, ça. J'aime bien les insultes rapport à la merde. Moi j'aime bien avoir un petit panel, tu vois, un petit éventail de d'insultes. Moi je dis ta grande race maudite de tes grands morts. Non, mais race, tu as jamais race dedans et tout. Bah oui, mais la race sociale enfin. Oh là là. Ah ouais, bah c'est mieux. Mais voilà, mais si t'es obligé de préciser. On va passer aux recommandations. C'était intéressant. J'ai bien compris que vous étiez tous de gauche. Avant ça, ne dites pas c'est pas ça, ne dites pas c'est pas ça. Moi j'ai reçu mes impôts, je suis plus bien sûr d'être de gauche. Hein. Il s'agit du flow de cast. Chers amis, c'est le moment des recommandations. Adrien Méniel, oui. est-ce que tu as une recommandation à faire à nos amis auditeurs? Non, j'en ai deux. Oh, je m'y attendais pas, tu sais. Ouais, tu m'as accueilli. Alors, ce sont deux jeux mobiles. Le premier s'appelle, je crois, sont dispo sur Android et iOS. Le premier s'appelle Seven Scrolls. Okay. Seven Scrolls. Les 7 parchemins. C'est ça. Oh, mais t'es bilingue en fait ? Ouais, trilingue même. Et avec l'espagnol ? Non, avec l'ouzbek. Oh ! Tu t'y attendais ou pas ? Allez, j'ai un dîner, on y va. Et donc, c'est un petit roguelike pour ceux qui connaissent les termes. Très simple. On incarne une sorte de mage. Et en fait, le principe, c'est que Le seul truc qu'on fait au départ, c'est juste on peut tirer des lasers pour tuer les monstres. Okay. Le but étant de récupérer une clé pour déverrouiller l'escalier qui descend au niveau inférieur. Okay. Sauf que, d'où le nom, on a 7 emplacements pour des parchemins qu'on récupère au hasard des niveaux. Au hasard ! Au hasard ! Ouais, pas mal. Sebman. Le pauvre, il est sage dans son coin. Parce qu'il a dit Waza tout à l'heure, c'est pour ça. C'était hors antenne, mais voilà. J'essaie de le rattirer vers moi, ce mec. Il m'apaise, il me nourrit. et en gros, le principe, rire. C'est que chaque parchemin que tu récupères ajoute des règles au jeu, qui sont générées aléatoirement. En gros, la première c'est procédural, partie. Quoi. Un peu. Et en gros, la première partie de la règle, c'est par exemple, si le personnage va sur la case du milieu, et ensuite il y a la deuxième partie qui est. Donc la première partie, c'est le trigger, le déclencheur, et l'autre, c'est la conséquence. Qui peut être par exemple, soit un monstre se prend des dégâts, soit ton personnage est guéri, soit un monstre est guéri, soit ça peut être des trucs négatifs. Quand ça même. Peut être des trucs négatifs. Une princesse est morte. Princesse est morte, KDD, on connaît. et donc en gros, c'est plein de trucs généraux aléatoirement. Et du coup, ce qui fait que le gameplay à chaque fois est différent parce que toi, tu dois, bah, tu peux tirer avantage de ces nouvelles règles pour buter les monstres. Pour, il n'y a pas deux parties pareilles, quoi. Il n'y a pas deux parties pareilles et c'est tout con comme idée, mais je trouve ça trop bien. Ce truc de bah, les règles changent au fur et à mesure. Et toi, bah, tu peux utiliser, utiliser ces parchemins, etc. Et quand tu as recueilli les 7 scrolls, ouais. C'est fini ? Non, parce que tu peux aussi, à tout moment... Mais quoi, tu détestes les jeux vidéo et on t'emmerde ? C'est ça, Sophie Marie. Si t'as un dîner, Sophie Marie, tu peux partir en cours de l'émission, il n'y a pas de souci. Pas du tout. Non, mais moi, je te dis ça. Tu fais un visage, en fait. Mais oui, oui. Mais pardon, on est des gros geeks. Mais ça... Non, et en gros, à tout moment, tu peux utiliser un parchemin. Donc pas en réaction à quelque chose qui se passe, mais tu peux cliquer dessus et choisir de l'utiliser et de faire en sorte que la partie conséquence ait lieu immédiatement. D'accord. Donc ça détruit le parchemin, ça part. D'accord, ah, okay. Et donc tu peux libérer de l'espace comme ça. Sublime. Et ta deuxième recommandation ? Ma deuxième recommandation, je vais essayer d'aller plus vite. Non, mais t'inquiète. Ça s'appelle Card Crawl, okay. C-A-R-D. T'adores quand il y a crawl dans le titre. Bah, il n'y avait pas ça. C'était scroll. Oh, ça scroll. Va. Là, crawl, ça veut dire ramper. Voilà, ah, c'est des cartes qui rampent. Card. Parce que je suis bilingue. Façon, je sais qu'on va me dire, c'était quoi déjà le truc que t'as recommandé ? Bah, réécoutez l'épisode en fait. Ou m'envoyer un message. Card et plus loin, C-R-A-W-L. Il y a trois conditions qui permettent d'envoyer des messages à Adrien, il les donnera jamais. Et toutes les autres, c'est non. Non, pas du tout. Ne me faites pas chier, d'accord ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, c'est un, c'est un jeu. L'amour du Stiff, alors. Et mais sérieux. Mais c'est ce qui fait aussi le petit piquant du sel de cette émission. Le piquant du sel. Moi, tu sais, quand je vais mal, je l'écoute. Ce podcast. C'est ton antidépresseur, ouais. C'est ton antidépresseur. Oui. Mais pour mais beaucoup oui. Du lundi. Non mais. Parce que hein. Pour beaucoup de gens, j'ai l'impression et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Par exemple, ce genre de message, bah, ça fait très plaisir. Voilà. Donc ton jeu, c'est une des trois conditions. Je réponds pas à tout le monde, mais je bois un peu d'eau. Non mais en fait il dit trop en gros. C'est ça le deuxième truc que tu disais, que je t'avais dit c'était, ouais, je sais, ouais. Et en fait tu pitches du coup moins bien, parce qu'on se concentre sur le nombre de fois où t'as dit en gros. Et voilà. Putain, je vais me faire défoncer. Non mais c'est vrai. Dans que 5, il est en train d'être blessé. 4. Pas du tout, pas du tout. Mais si on juge les expressions des gens, voilà. Désolé de pas dire frichti ou rocade à chaque phrase pour faire mon intéressant. Franchement, désolé. J'ai donné le bâton. J'ai heureusement, voilà. Donc Adrien, ton deuxième jeu de geekos avec les cartes. Non, en gros, c'est un mélange entre un roguelike et un solitaire. Et c'est-à-dire qu'il y a des règles où il faut jouer des cartes. En fait, il y a une carte, un emplacement de carte pour son avatar. Donc ça, c'est le truc qui ne, c'est son personnage, ça ne bouge pas. Ensuite, il y a un emplacement de carte pour chaque main du personnage, et il y a un emplacement de carte pour le sac à dos. Et ensuite, le maître de jeu distribue les cartes. Donc il y a des cartes ennemies, il y a des cartes pièces, il y a des cartes armes, il y a des cartes spéciales, et j'ai oublié, les cartes boucliers. Et en gros, le principe, c'est qu'au bout du compte, on arrive à éliminer toutes les cartes du jeu du maître de jeu, mais du coup en jouant ces cartes, voilà. Et du coup, par exemple, on a une carte épée dans sa main et on la joue sur la carte monstre pour le tuer, sachant que ta carte épée, elle a un nombre de dégâts et le monstre a des points de vie, etc. Donc il faut toujours gérer ces cartes, etc. Et c'est assez cool. Ok. C'est un peu comme League of Legends, quoi. Bah, ça. Sophie Marie. Quelle est ta recommandation ? Alors moi j'ai deux recommandations. Vas-y. La première, c'est évidemment Tetris Puyo Puyo. Bien sûr. Parce bien que sûr, vraiment, bah ouais. Il faut revenir au basique produit. Et la deuxième, c'est le Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui est un livre qu'une meuf a écrit. C'est un tout petit livre, un tout petit manifeste qui coûte 4 balles. Et elle explique dedans que les hommes... C'est vraiment c'est un pamphlet. Hein, d'accord. Carrément. Est-ce qu'elle dit que men are trash ? En fait, elle dit que les hommes sont une sorte de Midas tout particulier qui ne produisent que de la merde. J'ai déjà entendu ça. Voilà. Pas et très original coup, pour l'instant. En fait, au début du livre, tu ris nerveusement parce que c'est vraiment abusé. Et au final, tu dis bah en fait, bon pas. Et le dernier chapitre est intégralement sur le podcast, donc c'est c'est un peu dur pour nous, mais ok, d'accord. Non, mais je pense que tous les hommes cis avisés se reconnaîtront aisément dans la dangerosité, la toxicité. Moi, je dirais not all men personnellement, mais. Oui, oui. Et voilà, donc c'est un livre bleu qui est souvent dans la librairie. Bleu. Ouais, il est bleu. Ça existe en audiobook ou pas ? C'est une bonne question. Attends, est-ce que c'est... Attends, juste pardon, vu que ça s'appelle Scum Manifesto, c'est français ou c'est... C'est traduit. Donc à la base, en fait, c'est en anglais. C'est en anglais, et la dernière traduction, c'était de Michel Houellebecq. Ce qui était quand même un peu problématique, c'est parce qu'il l'a pris qui, avec... qui mieux placé. Il l'a pris avec beaucoup de condescendance. Et l'audiobook, c'est Sardou, très bizarre. Et là, il a été retraduit avec une postface de Lorraine Bastide. D'accord, très bien. Voilà. Lucien. Oui. Alors moi j'en ai trois, mais je l'ai fait vite. Vous croyez où en fait? J'en ai demandé qu'une. C'est un peu la maison, je suis venu plein de fois et tout. T'as raison. Je suis venu plein de fois. Ouais, attends, j'ai pris mes aises. Alors le premier, c'est un groupe qui est hongrois. Ok. C'est plutôt du métal. Mais si vous aimez bien Faith No More, Alice in Chains et Pantera, c'est un mélange un peu des trois. Ah, cool. Wow. Et ça chante vraiment très très bien. Et ça s'appelle AP and P. Et ils ont genre 4000 abonnés sur Spotify. Donc c'est vraiment un peu pointué. Mm. C'est mon frère qui est tombé dessus par hasard. C'est AP and P, genre c'est AP and C. AP comme genre Saint-Gesque. And the P comme un petit pois. Non, comme un petit pois. P-E-A. J'aurais préféré la pisse. Pardon, donc ça s'appelle des singes et du pipi. Non, c'est des singes et du pois. D'accord. Donc ça, c'est ma première reco. Ma deuxième, elle est un peu plus standard, puisque c'est quelqu'un de très connu, c'est Conan O'Brien. Ok. Qui fait un podcast qui s'appelle Conan O'Brien Needs a Friend. Que j'adore, qui est souvent. Fantastique. Ouais. Et bon, si vous aimez bien l'humour et que vous comprenez l'anglais, go. Parce que... Mais c'est de l'anglais pas si dur, je trouve. Moi qui suis un peu. Je suis pas très non, mais bon. Tu dis tout le temps ça, Flo. Tu parles bien anglais. Ah, ouais, non, mais tu, en vrai, tu c'est. Comprends, en mais c'est cas, de l'anglais parler cool. Je vais parler plus fort. Je vais aller faire pipi, mais je laisse la porte ouverte. Bon, ça marche. Mmh. Laisse la porte ouverte. Mais on parlera pas plus fort. D'accord. voilà, il a des invités hyper intéressants, parfois très culture américaine, donc on les connaît pas, nous. Ouais. Cela dit, le dernier, c'est Obama. C'est Barack fucking Obama. Qui est, je l'ai écouté, moi, cet épisode-là, ouais. Qui est super. Et en ce moment, il fait aussi Conan Needs a Fan. Ouais. Et donc, c'est pas une célébrité, puisque c'est des gens, des fans, qui appellent et qui posent en général une question. Et bah, comme c'est Conan O'Brien, c'est toujours cool et marrant. Est-ce qu'on peut dire qu'il nous copie? Il nous plagie plus ou moins. Je pense qu'il vous plagie tout bonnement. Et il fait encore ses tours du monde, c'était rigolo ça aussi. Bah là avec le Covid plus, mais oui, je pense qu'il va pandémie. Continuer, ouais, il va reprendre. je pense qu'il va reprendre un détail. Moment. Mais là t'es loge mec. Un moment donné. Et évidemment j'oublie le troisième. Non, j'oublie pas le troisième. C'est je crois sur la chaîne de Bagheera Jones. Oui. On entend derrière un peu. Les gens qui écoutent ça sur des grandes chasses. Il y a une petite chasse. Oui, qui s'est illustré récemment avec le GTA. Voilà, c'est le RPZ, donc le forum, pas le forum, le serveur roleplay de GTA à la suite de The Event. De The Event, c'est ça. Voilà, ils ont fait un serveur pour les gens qui participaient à The Event avec un plus 1. Et elles, son plus 1, c'est Horty underscore, je crois. Mm-hmm. Horty underscore. Et elles ont fait des personnages qui s'appellent Antoine et Daniel Croot, ouais. Qui sont cousins, qui ont 16 ans et qui sont des débilos, mais comme on aime, tu vois, ouais. Un peu à la manière de Eric et Ramsey. Et c'est tout improvisé vraiment sur Twitch en live. Et moi, j'ai regardé le premier épisode monté sur la chaîne, je crois que c'est Bagheera Jones sur YouTube. Et je crois que c'est les croûtes, tout simplement. Et c'est ultra marrant, c'est ultra frais. Et franchement, je trouve qu'elles sont hyper drôles. Et vraiment, j'ai adoré. Je vous conseille d'aller regarder ça. C'est assez joli, cool. Quand même, leur histoire qui leur sont arrivées. Enfin, moi, je les ai découvertes en regardant pour le coup des gros streamers. Enfin, je regardais MV et Antoine Daniel. Et donc, tu les voyais popper comme ça en arrière-plan. Donc, c'était assez rigolo. Tu fais, ah, putain, mais elles sont marrantes et tout. Elles arrivent un peu comme ça pour des conneries. Et après, c'est vrai, quand tu t'intéresses et tout, il y a des trucs vraiment, vraiment rigolos, quoi, dans ce... Mais d'ailleurs, moi, le RP GTA, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de voir... En dehors du streaming, et c'est pas du tout... Je pense que les vrais streamers vont détester ce que je veux dire, mais j'aurais adoré voir d'autres gens que dans le streaming faire du RP aussi, pour le coup, des comédiens, des gens qui sont doués avec de l'impro et tout, parce qu'il y avait des gens extrêmement doués au GTA RP, d'autres un peu moins. Mm. Mais du coup, ça, je trouverais ça super intéressant d'avoir des comédiens d'impro avec des streamers très doués dans l'exercice, avec des gens qui font du roleplay, enfin, tu vois, ouvrir un peu ce truc-là, parce que je trouverais ça vraiment chouette à regarder, quoi. N'importe qui peut le faire après. Hein, oui, non, bien sûr. Non, mais du coup, des gens doués dans cet exercice, tu vois. Quand on dit spectacle d'impro, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vision un peu de un peu ringarde, tu vois, de donnez-moi quatre mots et je suis une boulangère, tu vois, et je me dis ah, ce serait marrant. Le fais avec ta voix du connard, mais en vrai c'est cool, hein. Moi j'adore, non mais moi je suis allé voir les je parlais justement de l'image qu'en ont les gens, je suis allé voir souvent Simon et sa ligue Hérocorp en spectacle. Moi j'adore, c'est ses ligues, par contre, c'est Simon Astier et ses ligues. Non, mais c'est moi, un peu non, mais moi je suis fan de ça quand c'est bien fait. Je trouve ça bien. Je parle de l'image qu'en ont les gens et je trouve que GTA RP c'est une façon ultra moderne de présenter cet art qu'est l'improvisation que, et je trouve ça super cool. Ou le jeu de rôle. Voilà, ou le jeu de rôle. Et bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Complètement. On a eu un petit relent. Ouais. Sébastien, ta recommandation. Et ben Fayot, il a pris des notes. J'en ai deux. Quoi ? Tout le monde a pris des notes ? Ouais, moi aussi, j'ai pris des notes. Non, mais t'es venu, t'as noté tes recos. Oui, parce que je voulais pas écorcher. Mais déjà, la dernière fois, t'avais ton petit carnet et tout, j'avais bien aimé. Et oui. Oh, je crois que je le hais alors que je l'ai. Ah non, je sais que tu me hais pas. Ah non, mais alors moi, j'ai un gros problème de tonalité, hein, d'une manière générale. T'es pas acteur. Non, mais c'est vrai, je suis toujours un peu. Je suis très monocorde. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'exposition Magritte Renoir, le surréalisme en plein soleil. Sublime. Alors, bon, c'est. À l'orangerie. L'orangerie. On est pâtes en fait. L'orangerie, okay. L'orangerie à Paris, donc ça concerne surtout les franciliens ou ceux qui sont de passage à Paris. Attends, les gens qui auraient l'amour du stif, par exemple. Les franciliens, les franciliennes, les gens qui ont l'amour du stif ou les gens obligés de passer à Paris. Voilà, là, oui, bon, voilà. Hein. J'ai pas de répartie là. Y a rien. En fait, tu crois que je me moque, mais je me non, moque pas. Non, je crois pas. Et donc, ça concerne Magritte à une période assez intéressante. C'est après la défaite du nazisme à Stalingrad. Oui, bah. La bataille de Stalingrad. Ils ont perdu dans le 19e. Voilà. La montagne du crack. Magritte s'est dit, tiens, il y a peut-être un retour d'optimisme. C'est peut-être la chute d'Adolf Hitler qui est en train de se dessiner. Donc, il a marqué un tournant dans sa peinture qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus ensoleillée. Il s'est tourné vers son maître Auguste Renoir. Et ça a changé sa peinture jusqu'à une période qu'on appelle la période vache, qui est assez drôle de Magritte, où il s'est mis à faire un peu n'importe quoi pour provoquer notamment les surréalistes français qui, eux, lui ont dit, arrête tes conneries avec ton optimisme à deux balles, ça vaut pas le coup, les ravis de la crèche, ça nous emmerde. Et lui, il a tenu un peu son truc, et ce qui a fait qu'il était beaucoup plus radical que le surréalisme français. C'est une expo que moi qui m'a mis en joie. En plus, ça permet d'aller voir les nymphéas de Monet, qui est vraiment enfin moi j'étais tellement heureux que les musées rouvrent, ouais. Qu'effectivement c'est le premier truc que j'ai fait, plus que le cinéma même. Et donc pour ceux qui ne sont pas franciliens, franciliennes et qui ne sont pas de passage à Paris, une autre chose qui moi me met beaucoup de soleil dans le cœur, c'est le film Bonjour de Ozu. Ah oui, bien sûr. Qui est vraiment un film que je recommande. Alors Ozu, ça fait toujours un peu peur parce que ça François Ozu. Ça a toujours une connotation un peu intello machin et tout, mais en fait les films de Ozu c'est beaucoup plus concret que ça. Le film Bonjour. Oui, c'est quelle époque, c'est, on faut le dire quand même. C'est les années 60, c'est là, et c'est les films crépusculaires de Ozu, ça, donc c'est fin 60, c'est 65 par là. 66. Des films qu'on voit beaucoup au Champeau pour les gens qui aiment bien aller. Oui, mais alors c'est des films qu'on trouve très facilement maintenant sur des plateformes genre type Carlotta, qui ça coûte 5€ par mois. Bon, ouais. Alors si on avait marre d'acheter des plates des très des plateformes, sur la Cinéthèque, sur plein de choses. Et Bonjour, c'est vraiment l'histoire de l'américanisme qui arrive au Japon, qui sait pas trop se dépêtrer avec cette nouvelle culture, cette nouvelle langue, donc ils apprennent à parler anglais. Il y a des concours de prout, il y a plein de choses très ravissantes. Tu t'es tourné vers moi, genre, pour les débilos, il y a des trucs, et je l'ai un peu mal pris. C'est une super porte d'entrée vers ce cinéaste qui est beaucoup moins intello que ce qu'on peut croire. Ouais. C'est-à-dire que faut pas hésiter à y aller, faut pas avoir peur d'y aller, c'est un de ses films les moins longs, et c'est un de ses films les plus drôles, et pour le coup, qui est accessible de partout dans le monde, je pense. Très bien. Bah, c'est marrant parce que moi j'avais une reco, je me disais, ah, c'est peut-être un poil pointu, mais du coup un peu moins. Mais ah. Si vous aimez des films, vous avez sûrement vu ces films-là. Moi je les avais jamais vus. C'est les films d'Henri-Georges Clouzot, à savoir, là moi j'ai enchaîné Clunet. Le Corbeau, le Salaire de la Peur. François Cluzet. Et Clunet. Bien sûr, Georges Clunet. Monuments Man, tout ça. C'est quoi. Quand la dame elle a le visage qui change d'expression alors que c'est que la lumière qui change. Il peut y avoir ça. ça c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer, c'est le film qu'il a pas fini. D'accord. Wow. Ensuite Claude Chabrol. En fait, mais c'est marrant que tu parles de l'enfer parce que moi Henri-Georges Clouzot, parce que je suis pas quelqu'un de très malin, je m'étais dit bon, c'est un peu à l'ancienne, je ferai ça plus tard. Tu vois, c'est noir et blanc, c'est bon, bref. Ce qui est débile. Mais j'ai en ce moment ma meuf m'a dit, faut que je te montre un film de Claude Chabrol que j'adore qui s'appelle La Cérémonie. Je regarde La Cérémonie de Claude Chabrol et j'adore ce film. Et donc en fait, on se tape tous les Claude Chabrol de Netflix, il se trouve que je les ai tous kiffés. Donc il y avait. Oh putain, j'ai plus les titres. Celui où Isabelle Huppert fait. Tu l'auras, Sébastien. Fait avorter des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le concours de Prout, ça s'appelle. Le concours de Prout. Non, je sais plus. Je crois que ça s'appelle Le Travail d'une femme. Bon, je vous dirai plus tard. Bref, on a regardé tous les Claude Chabrol et on a regardé L'Enfer avec Emmanuel Béart et François Cluzet, qui est une adaptation de Claude Chabrol d'un film inachevé d'Henri-Georges Clouzot. D'accord ? basé sur son scénario. Mais dont il existe des traces, hein. Il y a un documentaire dessus d'ailleurs. Et c'est là où j'allais en venir. Non, mais complètement. Donc il y a un film qui est sorti qui était un espèce de. Qui est une œuvre un peu bizarre parce que c'est des tests lumière sur Romy Schneider et c'était un film un peu inachevé. Bref, je vois L'Enfer de Claude Charrol et je me dis, bon, vas-y, je vais mater des Henri-Georges Clouzot. Et c'est incroyable à quel point c'est moderne. Enfin, je vous invite vraiment à regarder ces films-là. Mmh. Ça n'a pas vieilli. Vous laissez pas bêtement à voir comme moi ça peut m'arriver par le côté noir et blanc et musique un peu à l'ancienne et fondu au noir entre les séquences. Le Corbeau, c'est si vous avez aimé Le Petit Grégory, je vous conseille. Mmh. Non, mais c'est vraiment la même histoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait chanter des gens d'un village en mettant des lettres qu'il ne signe pas, enfin qui sont signées Le Corbeau en l'occurrence. Le Salaire de la peur, c'est un film d'action, un film de suspense qui est incroyable pour l'époque parce que c'est vraiment le concept, c'est des camions qui doivent traverser une forêt, la forêt amazonienne je crois, avec de la nitroglycérine et donc du coup ça peut péter à tout moment. Tu m'étonnes. Et c'est un film vachement bien et Quai des Orfèvres, moi c'est celui qui m'a limite encore plus mis une claque parce que le jeu des acteurs qui est toujours, qui est effectivement signe d'une époque, mais qui en fait est vraiment ultra agréable à regarder. Après, moi, j'ai eu la chance pour Le Quai des Orfèvres et Le Salaire de la peur de les voir au ciné. Ils passent en ce moment à Paris, si vous êtes francilien, si vous êtes du côté de Paris, à Rue des Écoles. Il y a le École 21, je crois que ça s'appelle, le cinéma, qui est à côté, là où il y a le Grand Action et tout ça. Oui. Et ils diffusent tous les Henri-Georges Clouzot. Donc moi, j'ai prévu d'aller voir aussi Les Diaboliques, que j'ai pas vu et qui est pareil, un de ses meilleurs films. Et donc voilà, Quai des Orfèvres, super film avec, entre autres, on parlait de Bertrand Blier avec Bernard Blier. Et surtout ce grand acteur dont j'ai oublié le nom. Louis Jouvet. Non mais Louis Jouvet, c'est assez incroyable. Parce qu'en fait, si vous avez grandi avec John McClane et tous les films où il y a un peu des flics qui font des vannes et des héros d'action qui lancent des punchlines, c'est vraiment Louis Jouvet dans Quai des Orfèvres. Genre il lance des punchlines, il est Brice de Nice, il casse des gens. Si vous avez aimé Brice de Nice, regardez Quai des Orfèvres. Tu m'as convaincu là. D'ailleurs, c'est Big Flo et Oli qui font la BO du film. De Quai des Orfèvres. Il y a le clip avec Louis Jouvet qui dit et toi, pour toi, c'est quoi un copain? Et après, il chante. Un copain? Il n'a pas l'accent comme ça, je non, crois. Mais Big Flo et Oli. Pardon. De tout. Bien joué. Donc voilà, ces trois films là, et sûrement les autres qui sont sûrement super, mais que j'ai pas encore vu. Les Espions, moi j'ai vu. C'est super. C'est très chouette, Les Espions. C'est un film d'espions? Oui. Comment, tu l'as vu? Non, mais je suis assez perspicace. Je mets mon manteau. C'est vraiment un manque de respect. On va faire un dernier tour de table pour dire vos actus. Sophie Marie, oui, je propose de commencer par toi. C'est vrai qu'il est tard. Il est tard, désolé. Après, t'es arrivé en retard. Moi aussi. Oui, qu'est-ce que je fais? J'ai un podcast. Donc, les deux podcasts. Voilà, bientôt te revoir sur toutes les plateformes. On est chez nous sur Spotify en exclu et gratuitement. Et puis, moi, je fais un petit surmenage là. Donc, tranquille. Mais on peut te voir en tant qu'actrice. J'ai vu en ce moment sur My Canal, tu es dans Tapé Chaud, que j'ai vu qui était dispo en ce moment, donc si vous voulez regarder. Oui, Tapé Chaud, il y a encore 6 fois confiné aussi, un des films de 6 fois confiné réalisé par Alice Moitié que je embrasse. Je voudrais qu'elle soit heureuse dans la vie, elle me rend tellement heureuse que voilà. Et voilà, sinon, c'est pas mal déjà. Je vais prendre de petites vacances, un petit très moment. T'as déjà un peu l'endroit où tu veux aller ou pas du tout Je voudrais partir 2 mois à la Guadeloupe. D'accord. On embrasse Guada. bien sûr. J'aimerais aller là-bas. Très bien. Zamal. Très bien. Voilà. Tu peux partir si tu veux. Barre-toi. Je suis désolée. C'est ma faute. Mon dîner est à 19h. Donc il est 19h59. Voilà. Je suis désolée, Sophie Marie. Mais t'aurais dû me dire avant, pardon. Je suis désolée. Elle est arrivée en retard après. Lucien, toi aussi, tu dois vite partir. Tu as l'anniversaire de ton ref. Vraiment, elle est partie, je la déteste. Lucien, donc la bonne auberge, c'est une fois par mois, c'est ça? C'est une fois par mois. En général, on essaye de faire le premier dimanche de chaque mois sur twitch.tv/labonneaubergejdr, dimanche à 19h. D'ailleurs, c'est le lendemain. Là, on est le lundi 7 juin. Ouais, donc c'est le lendemain. Okay. C'est le lendemain. On peut voir en replay. Franchement, c'était chambé. et on peut voir en replay sur la chaîne Le Bon Nerd sur YouTube. Okay. Et sinon, autre actu, la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après, je pense que je vais aller chez le coiffeur parce que j'en ai marre d'avoir les cheveux trop longs. Je comprends complètement. Voilà. Tu comprends, mais tu n'es pas de cette team. Non, moi je garde là, ça y est. Toi, tu es là, ouais, sur j'ai un chemin. Tomber. Je l'ai laissé tomber. T'es sur un chemin. Vois sur ton chemin d'ailleurs. Ouais. Sébastien, Moi je vais reprendre, là j'ai fini un gros tournage de Michel Hazanavicius. Oh, le remake. Ce mec est dans tous les bons plans, je le remake d'un film Chamé. Ouais ouais. Alors je sais voilà, c'est bizarre non, de faire un remake de film Chamé après. Un remake de quoi? Mais dites enfin. D'un film qui s'appelle Ne coupez pas, qui est génial, enfin qui s'appelle Ne coupez pas en français, qui est vraiment génial, un film japonais produit donc, avec $25,000 je crois. Dont si on dira très peu de choses parce qu'en fait c'est un film où il faut vraiment rien savoir. Oui, oui c'est un film de zombies qui vaut le coup d'être regardé jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Le film est vraiment excellent et donc de toute façon le remake, j'anticipe les haters. Il y a très peu de haters dans cette émission. Je sais, mais pour ceux qui connaîtraient un haters, ouais. De toute façon ce remake allait advenir et ouais. Moi je suis plutôt content que ce soit Michel Hazanavicius qui s'en charge. Et toi? J'adore ce metteur en scène. Parce que ça allait arriver. Hein. Ouais. Donc je sors de ça, donc c'est pour dans longtemps puisqu'on ne sait plus trop quand les films ouais, sortent. Moi j'ai effectivement l'affiche de deux films et un qui à mon avis qui va plus rester très longtemps, c'est Vers la bataille. Bah alors justement, j'allais te le dire, sachez que si vous écoutez ce podcast genre lundi ou mardi de sa diffusion et que vous êtes francilien, j'y reviens. Non mais il y a encore 3-4 cinémas qui le passent à oui, Paris, donc j'imagine un peu dans certaines villes aussi. Oui, sûrement. Voilà. C'est un film qui a été un peu victime du confinement. Très beau film, c'est un premier film d'Aurélien Verner-Musio. Voilà, sur un sujet qui est l'invention de la guerre médiatique par un photographe du milieu du 19e siècle. Ça me fait pas marrer, moi, la guerre. Les photographes, je sais pas pourquoi j'ai un hilar. Ils disent tout le temps qu'il faut sourire, alors après, quand je pense à eux, forcément, je rigole. Non, mais c'est un premier film qui est quand même ambitieux parce que c'est un film d'époque. C'est un film d'époque qui a eu très très peu de sous. On est parti en Colombie jouer le Mexique là-bas. Ouais. Et c'est avec Malik Zidim, Maxence Tual. Il n'y a que des mecs dedans. Hein. C'est un film de guerre du milieu du 19e et très peu de rôle féminin. C'est une belle introspection d'un photographe qui perd son matériel dans un endroit dans lequel il est perdu et on aime bien se perdre avec lui. Moi, je trouve que c'est un très beau film avec la musique des Tindersticks. Et il y a effectivement l'adaptation du livre de Fab Caro qui sort le 9 juin. Moi, j'ai un tout petit rôle dedans. Mais bon, ça m'empêche pas d'en parler. C'est Le Discours réalisé par Laurent Tirard. Bien sûr. Et je reprends le théâtre. Donc, on est en tournée avec Hélas, la pièce de Nicole Genovese. On est en tournée à Évreux, à Saran et à Lorient le mois de juin. Le titre de la pièce, pardon ? Hélas. Okay. Qui a joué au Théâtre de la Tempête pendant un mois et demi en 2019. En 2020. Et voilà mon actu. Et après cet été, j'ai encore quelques tournages. Et après, voilà. Et après, je me repose. Et puis, je suis content parce que j'avais pas travaillé depuis Adrien. Depuis Fantasme. C'est ça. Donc c'était cool. Tu reprends le chemin des tournages. Je reprends le chemin de l'emploi. Même, de l'emploi, en règle générale. Très bien. Bah c'est écoutez, cool. Merci beaucoup. Adrien, tu as quelque chose ou... La Bonne Auberge également. Bien sûr. Et puis Les Vedettes de Jonathan Barré, le film Parle Macho dans lequel j'ai un petit rôle qui sortira, comme tu dis, un jour. On ne sait pas. Il y a ce fameux truc qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qui se dit beaucoup dans le cinéma français en ce moment. Apparemment, il y aurait 400 films, je crois, sur ce qu'ils appellent les étagères. Ouais, les films qui attendent de sortir. Et c'est pas terrible ce qui se passe parce que les gens se dépêchent d'aller voir les trucs. Mais là, en deuxième semaine, par exemple, c'est une chute de fréquentation de plus de 60% sur la moyenne. Donc, le plaisir de retourner au cinéma. Il y a eu c'est un plaisir immédiat, mais même Demon Slayer, qui défonçait toute statistique, a beaucoup, beaucoup baissé en termes de fréquentation. Ouais. Et là, ce qui est prévu, c'est que les films enchaînent semaine après semaine, donc ils ne restent pas longtemps à l'affiche. Ouais. Enfin, là, c'était déjà pas le cas avant, mais alors là, c'est encore moins le cas. Là, c'est vrai que sur l'année à venir, s'il y a un film que vous avez envie de voir, c'est bien de le voir en première semaine. Il y a La Nuée qui arrive, ça a l'air canon. Non, mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a pas mal de films. Plein de trucs bien. J'ai vu qu'il y avait un film, je l'ai pas vu, mais qui s'appelle Méandre, et je sais que c'est un petit film de genre aussi. Enfin, mine de rien. C'est pas, il y a pas que des gros trucs, donc il faut pas hésiter à aller voir aussi les petits films, voilà, qui essaient de contenter l'expérience salle en plus. Enfin, tu vois, qui compris ce risque-là, quoi. Absolument. Voilà, pardon. Non, mais il y a pas de problème. Et sinon, après là, j'ai des tournages qui arrivent, mais donc ce sera des trucs qui vont sortir dans un moment. Et non, si. Hors de lui, non. Hors de lui, ouais, la série de Baptiste Lorbert qui va sortir en septembre, je crois. Ah, t'as une date, ouais. Bah, je crois. Baptiste dit ça sur Insta. D'accord. Voilà. Ça devrait sortir en septembre. En tout cas, c'est prêt, je crois, il me semble. Et donc voilà, j'ai un petit rôle de beauf dedans. Ça fait bien plaisir. Et voilà. Génial. Bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, toi, désolé, Flo. C'était. Bah moi, comme d'hab, moi j'ai La Flamme qui est en replay. Je suis en prépa, mais voilà, pareil, prépa pour un projet, mais le Covid. Plus vague, est-ce que tu bah peux ouais, faire une... franchement. Je suis en prépa pour un projet éventuellement. Non, mais avec je vais peut-être personnes. Reprendre à la réalisation. Voilà, ce que j'ai pas fait depuis longtemps. Ce que j'ai pas fait depuis longtemps. Mais c'est des gros peut-être parce que la période actuelle, voilà, et que c'est difficile de faire des films en ce moment. Et vous croisez les doigts. On croise tout, on croise tout ce qu'on a, on croise tout ce qu'on a. Bah merci beaucoup en tout cas, à très bientôt. On embrasse Sophie Marie qui doit, je le rappelle, bien se marier là-haut avec Coluche et des proches. Bisous, Frichti. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.